Stephen King aime les météorites, Stephen King aime les caisses, Stephen King a écrit Mauvaise Herbe, La Caisse et le scénario de Creepshow, et George Romero l'a réalisé. Bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, encore une fois, salut. Eh oui, toujours, toujours. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bon, ça va, on va parler à nouveau de George Romero, qu'on aime beaucoup tous les deux, donc oui. Ça fait plaisir. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le film Creepshow, scénarisé par King et réalisé par George Romero, qui est sorti en 1982 pour une durée de 120 minutes. C'est un film à sketch, j'explique tout de suite, qui contient 5 segments, dont 2 sont adaptés de nouvelles. Donc les nouvelles étant La Caisse, publiée en 1979 dans le magazine Galerie, et Mauvaise Herbe, publiée en 1976 dans le magazine Cavalier. Donc on va faire une courte session nouvelles, principalement pour donner nos avis, parce que c'est des nouvelles qui n'ont jamais été recueillies, donc... Il n'y a vraiment aucune information sur l'écriture et compagnie, ce sera juste pour nos avis. Et ensuite, on passera au film, comme d'hab en risquant de spoiler, mais bon, c'est un film à sketch, donc ça reste des segments plutôt courts. Oui. On y va ? On y va. Très bien, bah comme je le disais, à part les dates d'écriture et de publication que j'ai données pour les deux nouvelles, j'ai pas grand-chose à en dire. Elles ont été publiées en France dans le cas de Mauvaise Herbe, c'est dans un magazine Bifrost consacré à King. L'autre est un peu plus dur à trouver aujourd'hui, donc en attente d'une republication un jour en recueil. Oui, ça fait. Mais voilà, bah on va commencer par Mauvaise Herbe. Quel est ton avis? C'est une... petite nouvelle, plutôt orientée comédie un peu noire. Petite nouvelle qui se lit bien, qui clairement ne révolutionne rien. Mais l'idée est rigolote. L'idée de ce personnage de fermier légèrement benêt sur les bords, hein, qui se dit « Oh bah tiens, il y a une météorite qui a atterri dans mon jardin, je vais la vendre 25$ !» Et toi dans ta tête tu dis non mais tu pourrais la vendre quand même plus, mais il est tellement stupide que bon 25$ pour lui c'est énorme. On verra qu'il est un peu plus ambitieux dans le film. Dans le film il est beaucoup plus ambitieux. et donc au contact de cette météorite va lui pousser sur le corps de l'herbe qui va se mettre à recouvrir non pas uniquement son corps mais également toute sa propriété. Ouais. Et on verra en fin de nouvelle que l'herbe va se diriger au final on suppose sur la terre entière. Hein. Ouais. En fait, dès qu'il touche avec un des bouts de son corps qui a été recouvert d'herbe, dès qu'il touche autre chose, ça se recouvre d'herbe, ça se transmet vraiment immédiatement. Donc c'est une petite nouvelle sympathique, qui est plutôt rigolote, puisque le personnage passe son temps à dire que vraiment il a pas de chance, vraiment il est bête, et puis à la fin la chance lui souvent en vain parce qu'il arrive à se suicider. Ouais. C'est totalement con. Mais voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça se lit correctement. Oui. Bon, après, ça fait 20 pages, c'est une nouvelle très courte, hein, de toute façon. J'aime vraiment bien le moment où les herbes dialoguent entre elles aussi, vers la fin, où elles se disent « Ouais, ça se mange ». Et à la fin, il dit qu'il est en train de penser à un gros bang. Est-ce qu'on le laisse faire? Ouais, ça a pas l'air dangereux. Ça, c'est rigolo. Alors qu'en fait, c'est le canon du fusil. Voilà, c'est ça. Il est en train de... voilà. Parce qu'il y a eu d'autres tentatives de suicide avant qui ont échoué. C'est expliqué. L'humour de la nouvelle est plutôt orienté humour noir par moment, parce que ça parle quand même pas mal du fait que l'herbe fait assez mal en poussant. Bon, c'est l'humour typique de King. Hein. Et puis elle lui pousse à des endroits où t'as pas envie que ça te pousse, quoi. Oui. C'est-à-dire au début, bon, c'est sur la main, mais après c'est à l'intérieur de l'œil, dans la gorge, ouais. Bah sur les parties intimes. Pour le coup, la description avec l'œil est bien faite. C'est le moment un peu dégueulasse. Ouais. Un peu dégueulasse de la nouvelle. Mais oui, en fait c'est ça, c'est que c'est dégueulasse, mais vu que c'est écrit avec beaucoup d'humour, alors certes noir, mais quand même beaucoup d'humour, ça fait que bah, finalement ça passe très bien. Ouais. Je suis vraiment. Je sais pas pourquoi cette nouvelle a pas été recueillie, parce que. Voilà, elle mériterait, je trouve. J'espère vraiment dans un futur assez proche. Donc, et puis oui, je pense qu'on va directement passer à l'autre. À l'autre, The Crate, donc la caisse. Ouais. Si on traduit ça en français. Et elle, c'est encore plus étonnant, pour le coup, qu'elle n'ait jamais été publiée, autrement, dans un recueil, parce qu'elle, elle est vraiment bien. Ouais, et encore plus dur à trouver, en plus, que Mauvaise Herbe. Que Mauvaise Herbe. Parce qu'elle, elle a vraiment une vraie ambiance. Mm-hmm. Elle a vraiment. Vraiment ambiance terrorisante avec cette boîte qui est retrouvée sous des escaliers par un agent d'entretien, ouais. En fait, qui trouve une caisse fac, hein, dans un campus d'université. Oui, dans un campus d'université, qui trouve une caisse qui avec c'est juste un professeur, c'est pas le directeur du campus. Hein. Non, c'est juste un prof. Ouais. C'est juste un prof. Justement, qui... c'est précisé qu'il est pas très bon pour tout ce qui est politique. Ah oui. Et donc, il le contacte pour lui dire que cette caisse, qu'il a retrouvé cette caisse, en fait, et c'est très étrange, parce que cette caisse est indiquée comme étant très vieille, qu'elle date de 1884. Et venant de l'Arctique. Voilà, c'est un peu vieux quand même, du coup. Et suite à l'ouverture de cette caisse, malheureusement, une grosse créature dégueulasse en sort et se met à tuer les gens. C'est ballot. Ça arrive. C'est ballot, c'est salissant. Alors là, c'est pas écrit avec de l'humour, par contre. Oui. C'est quand même très, très... C'est quand même plutôt dark. Et pour même s'il y a quand même une dose d'humour noir dans la deuxième partie, surtout. On va raconter l'intrigue. Oui. Donc, vas-y. Ce professeur, très traumatisé parce qu'il a vu deux personnes, l'agent d'entretien et un jeune chercheur, mourir devant lui, tué par la créature, il va en parler à son seul ami sur le campus. Or, l'ami en question a une épouse odieuse qu'il déteste depuis des années et des années. Sans que je sache, je pense pas que ce soit volontaire, mais elle m'a énormément fait penser à Elizabeth Taylor dans Qui a peur de Virginia Woolf. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Excellent film, adapté d'une excellente pièce, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Et donc, il va se dire « Ah bah tiens, il y a une créature tueuse, c'est peut-être le moment de me débarrasser de ma femme. » Alors, même si vous n'aimez pas une personne, ne faites pas ça. Oui, s'il vous oui, plaît. On est d'accord, c'est un peu discutable moralement. Mais toujours est-il qu'il va mettre le plan en place, et là, il y a un peu plus d'humour noir dans la manière dont il attire sa femme, en lui faisant croire que son collègue a un problème, parce qu'il a violé une autre étudiante, et du coup, la femme est super heureuse de voir enfin tomber le seul ami de son mari. Enfin, voilà, il y a un peu plus d'humour dans la seconde moitié. Oui, tout à fait. Note en passant, quand j'ai vu... j'ai revu Creepshow de Romero avant de lire les nouvelles. Mm-hmm. Et quand j'ai vu marqué sur la caisse Expédition Arctique, avec le nom Julia Carpenter en dessous, je me suis dit, c'est probablement une référence à The Thing. Et en fait, non, parce que c'est déjà dans la nouvelle, ces inscriptions sur la caisse, elles datent de plusieurs années avant The Thing. Mm-hmm. C'est sorti en 82, en fait, la même année que Creepshow. C'est ça. Donc non, c'est pas une référence à Carpenter. C'est alors ce qu'on que... appelle un heureux hasard. Ouais, voilà. Tout simplement. Mais donc oui, c'est vraiment étonnant que The Crate soit aussi dur à trouver en français et qu'elle ait jamais été republiée dans un quelconque recueil. Mm-hmm. Parce que vraiment, le rythme, les personnages, l'ambiance, la petite dose d'humour, tout fonctionne. Ouais, tout est vraiment bien. C'est vraiment de la nouvelle typique de King, avec tout ce qu'il faut. La créature, on n'en sait pas extraordinairement sur elle, et tant mieux. Mm. Elle est décrite de manière suffisamment dégueulasse pour qu'on en ait peur. Oui, parce qu'en fait, elle sort jamais de sa caisse. Ouais. Elle est traitée comme étant elle-même potentiellement effrayée par ce qu'elle voit autour d'elle, donc elle reste réfugiée dans sa caisse. C'est un peu un très vilain chat. C'est ça, comme si elle était reliée à sa caisse, en fait. Oui. Comme si elle était née dans sa caisse et qu'elle c'est chez elle, quoi, elle n'en sort plus. Mais ouais, c'est pour le coup, autant Mauvaise Herbe, donc du coup, une nouvelle sympathique, pas extraordinaire, autant The Crate, vraiment très très bien. Ouais, c'est vraiment un bon moment, bien d'ambiance. Ouais. Puis la construction sous forme de deux flashbacks dans la nouvelle est intéressante parce que, en fait, ça commence sur Dexter, le professeur qui a ouvert la caisse avec l'agent d'entretien, qui débarque complètement paniqué chez son pote et qui lui raconte ce qui s'est passé. Et après, il y a une ellipse et Dexter se réveille en se rendant compte qu'il a été pas empoisonné, mais drogué pour l'endormir. Et il y a son pote qui arrive tout content pour lui dire « Ah, j'ai tué ma femme » et qui lui raconte fièrement son plan en disant « Bon, tu vas rien dire, hein. » Oui. Voilà. Que la construction est sympa. Oui, parce que les deux temporaires... Du coup, on commence par la fin pour arriver vers le début, quoi. Ouais. Alors qu'on l'évoquera dans le film, c'est dans le sens chronologique des événements. Ouais. Probablement pour ne pas perdre le spectateur, c'est un choix qui a dû être fait comme ça, ce qui peut être compréhensible. Hein, oui, clairement. Je comprends tout à fait le choix. De toute façon, on en parlera, ça n'entache pas du tout la qualité du segment, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Mais ouais, très très bonne nouvelle, The Crate. C'est ça, c'est... Et en effet, elle est classique, donc il n'y a pas forcément énormément de choses à en dire, c'est du King classique, mais avec... la dose de mystère, la dose de dégueulasse quand les gens se font manger, la dose d'humour, d'horreur qu'il faut, donc voilà. Donc c'est pour les deux nouvelles, moi c'est tout, à moins que t'aies des choses à ajouter. C'est des nouvelles très courtes, donc on peut conseiller de les lire. Elles sont trouvables en format EPUB, elles sont trouvables toutes les deux sur internet en VO. Ouais. Mais comme on l'a dit, pour Mauvaise Herbe, ça sera le Bifrost numéro 80. Et malheureusement, en VF, à moins que vous vouliez mettre une somme un peu plus balèze, parce que la revue dans laquelle a été publiée la caisse est disponible, mais en occasion, et genre 15-20 balles, alors que normalement la revue en coûtait 6, quoi. Ouais. Donc bon. Pour une nouvelle, c'est vrai que c'est un peu pénible. Voilà, c'est ça. De payer le prix d'un livre quasiment neuf. C'est ça. C'est pour ça qu'autant se procurer Bifrost, d'accord, ça, on a pu. Autant l'autre... Surtout que le Bifrost est consacré à King de manière générale, donc il y a d'autres choses à part la nouvelle. Il y a une autre nouvelle, même dans le... on peut la mentionner, il y a une autre nouvelle qui était inédite avant sa publication dans Bifrost, c'est La Nuit du Tigre, du coup que je n'ai pas lu, que ce sera l'occasion de lire du coup. On passe au film ? Eh bien passons au film ! Achètes-tu ces torchons ? La prochaine fois que je te passe avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça. Qu'il aille courir en enfer. Alors, on ne va pas revenir totalement sur la rencontre entre George Romero et King, puisque c'est des choses dont on avait déjà parlé dans notre épisode consacré à La Part des Ténèbres, où nous avions aussi parlé du nombre très conséquent de projets inaboutis entre les deux, le nombre de fois où Romero a voulu adapter King, etc., etc. Mais par contre, vous pouvez très bien aller réécouter notre épisode sur La Part des Ténèbres, ça nous fera plaisir. Et partager, surtout, ça nous aiderait beaucoup. Également. On peut noter que King et sa femme Tabitha faisaient un caméo dans Knight Riders, un précédent film de Romero, que je n'ai toujours pas vu, moi. Moi non plus, qui a l'air d'être un film... post-apo chevalier sur des motos. Oui, le concept est vraiment intéressant. Alors dit comme ça, ça paraît surprenant, mais... Oui, c'est ça. Faut que je le voie. Et donc, les débuts de Creepshow, ça vient après que Romero ait quitté la production de Salem, un événement sur lequel on reviendra un peu plus en détail quand on abordera le Salem de Tobe Hooper. Ouais. En fait, Romero est parti parce que on lui laissait pas faire un film suffisamment sombre pour lui. À la télé, il devait trop modérer son style et il a préféré partir. Alors chez Marvel, on appelle ça des différents artistiques. Ouais. C'est très commun chez le studio. Ou sur la franchise Fast and Furious aussi. Ah, aussi, oui, c'est vrai. Justin Lin, on pense à toi. C'est vrai qu'il y a... Il y a eu cette histoire il y a quelques jours. Mais bon, il est remplacé par un Français, du coup. Oui, Louis Leterrier. Ouais. Qui est pas non plus un mec extraordinaire, mais qui est capable de, quand même, de bonnes choses. Oui. Il est de la famille de Balladur, je crois. Ah bon ça. Ouais. Ah. Je crois que c'est Balladur. En tout cas, d'un homme politique ringard, je crois que c'est Balladur. Mais Leterrier, d'accord. Du coup, qui avait bossé pour Marvel, puisqu'il avait fait le Hulk avec Edward Norton. Oui, effectivement. Réalisé, qui était plutôt pas mal, d'ailleurs. Ah, Leterrier, c'est un réalisateur compétent. Hein. C'est juste que des fois, il a eu des scripts pas top. Là, son truc qui vient de sortir sur Netflix, ça a l'air passablement nul à chier, quand même. Loin du périph avec Lafitte et Omar. Ah, bah c'est une suite en plus. Oui. C'est la suite de. C'était quoi? C'est de l'autre côté du périph. De l'autre côté du périph qui était déjà nul. Voilà. Mm. Ah, écoute, on peut pas être talentueux tous les jours. Ouais. Donc, Romero et King cherchaient en fait un projet à développer ensemble, une idée. Et. King, à l'époque, en fait, c'est à ce moment-là qu'il a proposé Le Fléau, parce que c'était un de ses romans dont les droits n'avaient pas encore été achetés, peut-être à cause de la longueur du livre. Et Romero était totalement à fond, d'ailleurs, ils vont pas mal travailler ensemble dessus. Le souci, c'est qu'il se rendait compte que c'était un projet qui prendrait du temps à développer et qui demanderait de l'argent. Donc en fait, ils vont décider de travailler sur quelque chose de plus humble, qui aille plus vite, avec un plus petit budget, en partie pour montrer qu'ils étaient capables de travailler ensemble, de faire quelque chose d'efficace, avec une somme pas énorme, et ils se disaient ça nous servira de carte de visite après pour Le Fléau. Le but étant de rapporter effectivement le plus d'argent possible. King songe à une sorte d'anthologie d'horreur comique, et c'est Romero qui va rajouter l'idée de rendre hommage en fait aux BD horrifiques que les deux lisaient dans leur enfance, donc les BD de type EC Comics. Ouais. Qui était souvent assez gore et qui avait tendance à pas mal se rebeller, pas mal provoquer sur les normes morales de l'époque. Et c'est le genre de comics qui avait disparu depuis un moment, à l'époque où ils réfléchissent au film, à cause du Comics Code Act, qui était une loi qui a imposé aux comics des règles très strictes sur la violence, la vulgarité et ce genre de choses pendant des années et des années. Participer à aseptiser énormément de bandes dessinées. Ouais, avant que ça commence petit à petit à se rebeller de nouveau, enfin de nouveau oser des trucs un peu plus oui, les auteurs se sont audacieux, on va dire. Les auteurs se sont rebellés d'eux-mêmes et ont envoyé chier le Comic Code. Il a été annulé en quelle année? Alors, le Comic Code, il disparaît plutôt récemment, parce qu'il disparaît en 2011. Mais c'est vraiment à partir des années 71. C'est vraiment à partir des années 70, et donc en 1971 plutôt, que ça commence à se poser des questions, parce que c'est une année où Stan Lee était scénariste donc de Amazing Spider-Man, et où il écrit un épisode vraiment consacré à pointer du doigt les ravages de la drogue chez les jeunes. Ah oui, en plus je l'ai lu, parce qu'il est publié dans l'édition récente qu'il y a eu des comics Spider-Man, tu sais, à 6-7 euros. Ouais. Je crois que dans la mort de Gwen Stacy, ça traite aussi du rapport à la drogue avec... Avec Harry Osborn. Avec Harry Osborn, donc j'ai lu ça, ouais. Et donc ouais, c'est un épisode qui est vraiment un pamphlet anti-drogue, mais vu que ça cause de drogue, eh ben, le Comic Code interdit sa publication. Alors que c'est un numéro qui te dit « Mais non, mais la drogue, c'est mal !» Mais bah, ça parle de drogue, donc t'as pas le droit de le publier. Et donc c'est vraiment à partir de cet événement-là que vraiment, déjà Marvel se pose des questions et se dit non mais le Comic Con en fait c'est de la merde, et que surtout beaucoup d'autres éditeurs se disent mais en fait du coup c'est complètement, vous allez à contresens de ce qu'on veut véhiculer comme information en fait, vous nous aidez pas, vous nous tirez une balle dans le pied à nous-mêmes. Oui. Et donc c'est vraiment à partir de cet événement là où il va y avoir une remise en question générale, même si ça avait déjà commencé avant dans les années 60 avec le comics vraiment underground, mais là c'était du comics qui était passé sous le manteau. Donc forcément que le Comic Code n'avait pas les yeux dessus. Mais chez les gros éditeurs, c'est dans ces eaux-là que ça va commencer à être observé, dans les années 70, dans les années 80, où il va y avoir une succession de lois qui vont assouplir le Comic Code et le rendre beaucoup moins violent qu'il ne l'était. Oui, parce que quand on lit certains comics des années 80-90, déjà on sent que même si le Comic Code est toujours là, que c'est tout de même beaucoup plus osé que ça l'était à une époque. Oui, clairement. Mais bah, oui, ça a conduit à des... C'est ce qui a conduit à des épisodes totalement farfelus de Batman, de Superman qui combattent des entités bizarres parce que montrer de la criminalité humaine, c'était interdit tout simplement. Mm. Montrer la mafia, c'était interdit. Montrer ce genre de choses, c'était interdit. Et c'est pour ça qu'après on en vient à des personnages comme Batman qui à la base étaient très ancrés dans le réel. Combattre des momies, des zombies, Dracula, ça n'avait plus ni queue ni tête, quoi. voilà, c'est comme d'hab en fait, quand la censure décide de mettre le nez quelque part et qu'elle décide d'y aller avec ses gros sabots, ça ne donne jamais rien de bon. Jusqu'au moment où des auteurs underground émergent pour donner une vraie renaissance à un média qui était un petit peu moribond à cause de la censure. Mais donc un personnage comme du côté de Marvel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de base quand même des méchants. Un peu extraterrestre, donc oui. Le problème c'est peut-être un peu moins posé. Mais un personnage comme Kraven, il apparaît vers quelle période ? Kraven, c'est un personnage qui apparaît assez tôt, parce qu'il apparaît dans les années. Fin des années 60, début 70, même peut-être même plus tôt. Mais bon, c'est un personnage de chasseur, donc. Il chasse des animaux. Après. Ouais. Ouais. Oh, mais la chasse n'est pas vue comme. Et on le sait, malheureusement, on le sait encore au jour d'aujourd'hui dans nos médias, la chasse n'est pas vue comme quelque chose de mal. Certes, mais je pense que même Macron, là, il dirait ouais, Kraven, c'est un peu chaud quand même. Ah oui, mais il chasse que Spider-Man. Oui. Tu vois ? Oui, mais on chasse pas les humains. Ah oui, mais Spider-Man, c'est pas vraiment ça un humain. Pas. Du coup. Oui. Puis les Russes, c'est peut-être ce qu'a aidé, mais. Les Russes, ils ont le droit d'être méchants. Oui, voilà, parce qu'ils mangent des enfants après tout. Ouais. D'accord, donc ouais, c'est intéressant cette disparition vachement progressive. Oui, parce que progressiste, non. Oui, j'imagine qu'il y avait plein de trucs justement autour de ça, autour de l'interdiction de représentation, autour de la sexualité et compagnie, il devait y avoir des trucs, non ? Ah bah déjà oui, forcément l'homosexualité pouvait pas être montrée. Ouais. Elle était interdite jusqu'à la fin des années 80, elle était interdite. Tu pouvais pas montrer de personnages du même sexe éprouver des sentiments pour eux. Mm. Et de toute façon, même l'acte amoureux purement hétérosexuel n'était pas montrable. Oui, j'ai l'impression que ça reste assez coincé là-dessus, de toute façon, oui. Les comics. Mais de toute façon, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est globalement, sur la culture américaine est beaucoup plus enclène à montrer de la violence que de montrer de la sexualité. Oui, encore aujourd'hui. Même des personnages LGBT... commence à y en avoir quelques-uns, mais oui. J'ai pas l'impression que ce soit des personnages très mis en avant. Non, c'est pas majoritaire. C'est pas majoritaire, et il suffit de voir les commentaires à la con sur Twitter et les réseaux sociaux dès qu'on voit un personnage LGBT arriver directement sa gueule sans aucune raison. Quoi. Ouais, je me rappelle qu'autour d'América Chavez, justement, ça avait gueulé. Hein. Voilà. Ou très récemment, le DC Comics a publié donc une série consacrée sur le fils de Superman. Ouais. Ah oui, j'ai entendu parler. Et on apprend que le fils de Superman est bisexuel. Mmh. Et du coup, forcément auprès de la fachosphère d'Internet, bon, ça gueule forcément. Ça gueule tellement que les mecs se posent même pas la question. Pour eux, c'est Superman est gay, mais non, en fait, c'est pas Superman, c'est son fils déjà. Ouais. Bon, et puis déjà, si premièrement, même si c'était Superman, on s'en foutrait aussi de toute façon, oui. Quoi qu'il en soit. C'est dingue. Ces gens-là n'ont aucune limite dans la misogynie, dans le racisme et dans l'homophobie qu'ils peuvent avoir. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas une période où Poison Ivy et Harley Quinn étaient en couple ? Alors, là, ils ont toujours, il y a toujours eu une relation plus ou moins ambiguë entre eux deux. Ouais, enfin L2. L2. Ouais. C'est pas dit frontalement, on s'en doute quand même. Mmh. Ils ont une relation. C'est un petit peu mentionné dans le film Harley Quinn. Burn of Prey, ouais, dans le film Burn of Prey. C'est mentionné en tout début de film. T'as une petite animation en 2D où on les voit, qui sont clairement montrés comme étant en couple. Ouais. Mais DC Comics et Urban Comics, souvent qui est pointé du doigt pour ça, va toujours te dire oui, elles sont amies, plus. Oui. Non, mais dites-le clairement, quoi. Au bout d'un moment, on s'en fout. Ça pourrait même être intéressant d'avoir des aventures sur elles. Je pense qu'il y a de quoi faire des trucs autour de ces deux persos. Surtout quand elles sont bien écrites, Harley Quinn et Poison Ivy sont deux personnages très sympathiques. Ouais, Bah, Harley Quinn, j'aimerais vraiment lire plus de trucs sur elle, je trouve que c'est un excellent perso. Hein. C'est un très bon personnage, le problème d'Harley Quinn, c'est que dernièrement, ils en ont fait une Deadpool bis. Ah du merde. Du coup, tu perds beaucoup l'intérêt, mais il y a beaucoup de trucs qui sont bien, d'Harley Quinn, je pense à la série écrite et dessinée par Sejic, qui est très très bien, qui a été publiée chez Urban Comics, qui s'appelle Arline, tout simplement, qui est en fait une origin story de comment elle devient Harley Quinn. Donc avec le fait qu'elle commence à être la toubib du Joker et ce qui va la conduire à la folie. C'est une très bonne mini-série. Ouais, et puis même j'ai toujours pas vu Birds of Prey, mais dans le film The Suicide Squad, celui de James Gunn, je trouve que c'est une de celles qui a l'arc le plus intéressant, Harley Quinn. Birds of Prey, elle est vraiment cool. Faut que je le vois pour le coup. Il y a vraiment énormément de gens qui le dénigrent, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens qui le dénigrent parce que c'est un film très féministe. Mm. Quand tu lis des critiques de Birds of Prey, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça quand même. Pour le coup, c'est un de ceux qui me tente quand même, Birds of Prey. Hein. Ouais, vraiment, il est très. Mm. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a peut-être le méchant qui est pas extraordinaire, mais ça devient tellement commun dans les films de super-héros, les méchants ratés, que malheureusement, on commence à s'y faire. Alors qu'on devrait pas. Mais pour le coup, oui, ça, je suis d'accord. Pour le coup, je pense que de toute façon, l'ouverture autour des LGBT dans le monde des comics, ça pourra jamais venir des films, vu que pour vendre au marché chinois, c'est obligé d'être le plus en retrait possible. Ouais. C'est super marquant justement dans le Doctor Strange, où tout est fait en sorte que l'intégralité des références un peu lesbiennes du film puissent être gommées. Ouais. Donc, c'est, à la limite, dans les comics, je veux bien y croire au fait que ça finisse par devenir admis normalement, mais dans les films, à mon avis, en tout cas, vraiment pas tout de suite. Pourtant, ça avait été le cas dans The Eternal, parce que The Eternal montre vraiment, sans le cacher, une relation homosexuelle, qui est clairement montrée, une relation. Bien décrite en plus, hein, c'est une relation vraiment totalement safe. Bah, à mon avis, Eternal n'est pas sorti en Chine. Je sais pas si c'est pas sorti ou s'ils ont réussi à l'effacer. Je vois pas comment ils auraient pu. Oui, si, ils sont très bons. Hein. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, The Eternal ose. Dans les dernières productions Marvel, c'est peut-être même le seul qui ose des choses comme ça. Et qui ose déjà plus développer ses personnages que ne le font la majorité des films Marvel, malheureusement. Mais The Eternal, je trouve que ça pourrait plaire en plus. Faut que je vois. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le fait d'être le même syndrome. On est vraiment dans une longue parenthèse. Qu'avec Doctor Strange, où je me dis, il y a des moments intéressants, des moments où je sens presque la patte d'une artiste dans le cas de The Eternals, avant d'enchaîner sur une scène qui me gonfle ultra calibrée. C'est vraiment la frustration qui m'inquiète. Il y en a, malheureusement, dans Eternal, il y en a. Il y a toujours cet humour qui te sort des situations un peu dramatiques. Il serait temps que Marvel Studios s'en défasse, même si, à mon avis, on va en bouffer encore pendant longtemps ces scènes de merde. À mon avis, la saga qui aurait pu permettre d'en sortir, c'est Thor, qui voulait partir sur des trucs plus sérieux. Et puis, il y a eu Thor 3, qui paraît-il très bien, hein, mais je trouve dommage de tout diriger vers l'humour. Et voilà. Bon, fin de la parenthèse. Ouais, on ferme cette longue parenthèse sur le Comics Code. De toute façon, on va reparler du comics après. Donc. Ouais. Donc, toujours est-il... Donc, la date de début, je l'ai, du Comics Code, c'est 1948. Donc, comme tu disais, on est... fin des années 40, début des années 50. Ouais. Et ça avait fait couler, évidemment, tous ces magazines, parce qu'ils ne pouvaient plus être vendus... dans le marché général. Ah, tous les DC Comics, tout, oui. Évidemment, c'est des trucs qui avaient été poussés par les fameuses guildes de parents religieuses qui râlaient pour un tout, pour un rien, qui existent encore aujourd'hui. Hein, on allait même chez nous aussi, hein, les familles de France et tout ça. Ouais, mais elles sont beaucoup plus puissantes aux États-Unis, faut quand même admettre. Chez nous, on a tendance à un peu se foutre de leur gueule, même si de moins en moins, hélas, elles gagnent en puissance. Là-bas, j'ai l'impression que c'est vraiment des institutions, ces machins-là. C'est très moqué, c'est très moqué par l'équipe scénariste des Simpsons, via le personnage de Marge. Oui, effectivement, il y a tout un épisode là-dessus, d'ailleurs, carrément. Mais oui, c'est dire à quel point c'est puissant. Pour que les Simpsons s'en moquent régulièrement, c'est que c'est un signe. Ouais. et les Simpsons quand ils étaient bons, on précise. Ouais, c'est dans les vieilles saisons, effectivement, ça. Et bah, c'est un parallèle qui est avec Romero qui est assez évident, puisque Romero lui-même est un réalisateur qui a eu très souvent des problèmes autour de la censure et de la morale dans ses films, que ce soit involontairement quand il fait La Nuit des Morts Vivants, sans penser à mal entre guillemets, en mettant un personnage noir, enfin un acteur noir dans un des rôles principaux, et que ça déclenche des réactions auxquelles il s'attendait pas. Et puis même tout au long de sa carrière, bah, entre le deuxième film de sa saga des morts vivants, Zombie, qui est ultra gore, et plusieurs autres. Voilà, c'est déjà un thème qui est un peu présent dans Martin, d'ailleurs, je trouve. Oui, totalement. Donc forcément, je pense que ça le concernait, je pense que ça l'amusait de se défouler un peu autour de ça. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect très BD dans le film autour des transitions et de certains effets de lumière. Oui, quand les personnages sont surpris, ouais. Ou voilà. Tout à coup, ça devient une lumière unique, rouge ou bleue, comme on peut avoir une case de comics colorée entièrement d'une couleur. Et il y a des cadres aussi qui sont utilisés, des cadres de BD. Même si le magazine Creepshow lui-même, par contre, est inventé pour l'occasion. S'il n'a jamais existé, ouais. Il est inspiré de ce qui se faisait. Mais ça n'avait pas existé. Tout à fait. Le premier jet de King est écrit en 79, c'est un scénario de 142 pages et il ne sera pas retouché avant le tournage. Il y a au total 5 segments. Le premier, c'est Fête des Pères, qui est un scénario original, puis La Mort solitaire de Jordi Veril, qui est adapté de Mauvaises Herbes. Le troisième, c'est Une histoire pour ce marais, qui est original, puis La Caisse, adapté de La Caisse, et le dernier segment, c'est Ça vous grouille dessus, qui est original aussi. Une affiche est faite avant même de vendre le scénario. Elle est dessinée par Jack Kamen, donc, qui était un artiste important de chez EC Comics. Donc, est-ce que tu as quelques mots à dire sur lui? Bah, malheureusement, il a eu une carrière plutôt éclair, puisque bah, ça fait partie de ces nombreux artistes qui ont dû se réorienter avec l'arrivée du Comic-Con, malheureusement. Parce que vu qu'il bossait quasi exclusivement pour EC Comics, bah, il a perdu son travail quand EC Comics a fermé, a dû mettre la clé sous la porte, malheureusement. Donc il s'est tourné vers la publicité, et puis là, forcément, en tant qu'artiste, on perd un petit peu sa trace. Mais il a surtout bossé du coup chez EC Comics sur des récits, donc sur des magazines anthologiques, un peu comme en fait ce que nous présente Creepshow. Ce que EC Comics produisait, donc, c'était des magazines type anthologie avec plusieurs histoires dedans, en général 10-12 pages, qui étaient tous autosuffisantes. C'est-à-dire ce que le magazine, oui. ce qu'on voit du magazine Creepshow, que l'île gamin, oui, c'est vraiment des petites histoires. Bah, c'est ce qui sera repris dans pas mal de séries d'anthologie type Conte de la Crypte, voilà. La suite. Et c'est ce qu'on verra ensuite en revenir, une fois que le Comic-Con commencera à mourir un peu, dans les années 70-80, ces magazines-là reviendront. Ouais. On en parlera plus tard, puisqu'il y a un autre artiste qui a bossé sur le film, qui lui, en a beaucoup fait, travaillé pour ces magazines-là. J'ai l'impression que c'est un peu, peut-être sur des récits un peu plus longs que 10-12 pages, mais c'est un peu ce que fait cet éditeur indé là, qui vend ses comics vraiment pas cher avec un papier... Plutôt basique. Oui, tout à fait. Qui vend ses comics à chacun doit être à 1,50$ pièce, voire 2$, parce que c'est que du comics entièrement recyclé. C'est que du papier entièrement recyclé. Ouais. Ah, tu me poses une colle, j'ai oublié tout à l'heure sur le nom. Mais de toute façon, oui, c'était que des mini-séries de 2 ou 3 épisodes, mais ils publiaient, eux, ils ont publié, ou peut-être qu'ils publient encore, un truc qui sort un mercredi sur 2, il me semble. Wednesday Tales, quelque chose comme ça, où en fait t'avais dedans plusieurs histoires horrifico-fantastiques. D'accord. C'était Alterna Comics. Voilà, donc c'est plutôt sympa ce qu'ils font. Jetez-y un œil si vous intéressez un peu aux comics, bah, série B, anthologie, horreur, oui, et compagnie. C'était totalement ça, ouais. Bon, c'était vraiment de la pure série B. Mais. Ça peut être, justement, si vous avez envie de lire du comics à pas cher, parce que, ouais, chaque floppy, donc les floppies, c'est les, C'est le format original, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du comics qui fait donc une vingtaine de pages. Sauf que là, au lieu que ça soit du 4-5€ chez n'importe quel autre éditeur, là c'était plutôt du 1,50$. Parce que entièrement sur du papier recyclé. Donc du coup la qualité de papier est moins bonne qu'ailleurs, mais clairement c'est pas grave. Oui, ça, je trouve même que ça donne un style. Oui, clairement. Donc le projet est refusé, pour revenir à Creepshow, est refusé par plusieurs maisons de production, et c'est finalement UFD qui avait déjà produit Knight Riders, justement, qui accepte de produire en partie le film, après il y a d'autres producteurs qui sont trouvés à côté, et le budget est de 8 millions de dollars, et donc 8 millions de dollars c'était à l'époque le plus gros budget de Romero. Eh ben. C'est dire s'il faisait avec pas grand chose. Ah, je m'étonne. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu lis ces cochonneries. J'ai jamais vu des conneries pareilles. Où achètes-tu ces torchons? Et surtout, quitte les vents! Tu m'entends? Tu pourrais me répondre quand je te parle. Tu sais bien me trouver quand il s'agit de manger le pain que je gagne, hein? N'en fais pas un drame, tous les gosses lisent des bandes dessinées. Mon fils, c'est pas tous les gosses et je me fous des autres. Tu sais où il va aller ton journal? À la poubelle. Et ça va pas traîner! T'as quelque chose à dire? Pas pire que les livres que t'as dans ton placard et que tu caches sous tes chemises, tes livres porno. Stan, ce n'est pas la peine de siffler. Non seulement monsieur lit des trucs pareils, mais il a le toupet de fouiller dans mes affaires. J'ai pas fouillé, c'est toi qui m'as demandé d'aller chercher tes boutons manchés d'en or. Les fenêtres sont ouvertes en bas, je vais aller les fermer, sinon la pluie va entrer. Non, j'y vais, j'ai des saloperies à mettre à la poubelle. Papa, s'il te plaît, non, jette pas, je te demande pardon. La prochaine fois que je te pince avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça. Au lit. On va retrouver pas mal d'habitués de lui à plusieurs postes. Certains dont on a déjà parlé puisqu'ils ont aussi travaillé sur des choses liées à King. Déjà le producteur Richard P. Rubinstein, nous on en a parlé sur Cimetière, Le Fléau, Les Langoliers. Et les ailes de la nuit, et la peau sur les os, genre plein de trucs. Et on le retrouvera sur King, sur Darkside, Creepshow 2 et la version 2020 du Fléau, vraiment un nom important pour nous. Et il a produit avec Romero, The Amusement Park, Martin, Knight Riders, Zombie et Le Jour des Morts Vivants. Le directeur de la photo, c'est Michael Gornick, qui est aussi sur d'autres Romero, Martin, Knight Riders, Zombie et Le Jour des Morts Vivants, mais sur aucun autre film. Il a vraiment collaboré qu'avec Romero. Par contre, il a été sur d'autres postes, dans d'autres films, régulièrement en contact, en lien avec King, puisqu'il a réalisé un épisode de Histoire de l'Autre Monde, une de ses séries qui va naître suite à Creepshow, qui adapte Machine Divine à traitement de texte. C'est le réalisateur de Creepshow 2, de certains épisodes de la mini-série Compte à rebours, dont je ne sais pas grand-chose, mais c'est écrit par King. Et il est producteur associé sur Le Fléau, la vieille série, et sur Les Langoliers. Mmh. Au production design, on a Cletus Anderson, qui était déjà sur La Part des Ténèbres. Au costume, on a sa femme Barbara Anderson, qui est aussi sur La Part des Ténèbres et sur plusieurs autres Romero. Donc ça, c'est des noms qu'on a déjà évoqués. Et on en vient à un collaborateur récurrent de Romero, mais qui n'était pas sur La Part des Ténèbres, c'est le responsable des effets spéciaux, Tom Savini. Ouais. Donc lui, c'est un responsable maquillage et effets spéciaux qui a aussi travaillé sur Martin, Zombie, Deux Yeux Maléfiques, Incident de Parcours et Le Jour des Morts Vivants avec Romero, mais qui est aussi sur des films comme Vendredi 13, Maniac, Trauma, Creepshow 2... En fait, beaucoup de choses. Bah, c'est simple, je pense que c'est l'un des meilleurs de sa génération. Ouais, clairement. Enfin, tous les films où il est responsable effets spéciaux, les effets spéciaux n'ont pas vieilli. C'est ça. Encore aujourd'hui. Donc, Il est aussi réalisateur sur quelques films. Son plus connu, c'est le remake de La Nuit des Morts Vivants qui date de 90 et qui est bien sympa. Ouais, qui est vraiment très bon. Mmh. Et il est aussi acteur à l'occasion, même s'il a surtout dans des seconds rôles. On peut le voir dans Une Nuit en Enfer, L'Armée des Morts, Land of the Dead, Machete. Et il fait un caméo justement dans Creepshow, Il joue un éboueur. Tout à la fin du film. Ouais. Et donc Savini s'est bien amusé sur ce film parce qu'il a eu plein d'effets un peu rigolos à faire, notamment les créations de monstres. Il a pas mal discuté avec Bob Bottin, qui est le créateur du King Kong de 76 et de l'Alien dans The Thing, sur le design de la créature de la caisse, qu'il surnommait Fluffy. Voilà. Oui, qui est inspiré de Taz. Ah bon? Ouais, apparemment. Bon, c'est lointain, hein, mais ah, l'inspiration, oui, c'est ouais. Taz dans les Looney Tunes. Pourtant, il fait pas de, ouais. Fait pas de tournée. Et c'est par contre Barbara Anderson, donc la costumière, qui a géré la transformation du personnage de fermier en herbe. D'accord. Voilà. Au niveau du casting, on va évoquer les plus importants, mais ça va faire quand même quelques personnes, parce que bah, c'est un film à sketch, donc il y a du monde. Ouais, et du beau monde. Dans le prologue et l'épilogue, on mentionnera juste que l'enfant est joué par Joe Hill. Oui. Donc, bah voilà, il a l'air psychopathe. Il l'est. Dans le premier segment, Fête des Pères, l'acteur le plus connu aujourd'hui, c'est Ed Harris, qui était déjà dans Knight Riders pour Romero, et c'est un second couteau important dans beaucoup de films. On peut le voir dans Abyss, L'Étoffe des Héros, The Rock, Apollo 13, History of Violence, Le Transpersonnage. Voilà, un nom récurrent. Et il joue le shérif dans la mini-série Bazar. Ce qui nous permettra de le revoir. Un bon acteur, Ed Harris. Ouais. Le reste du casting est moins connu, je vais juste les mentionner, avec Carrie Nye, Warner Shook, qui est un habitué de Romero, Nathan Grantham, et Viveka Lynforce, qui joue la tante Bedelia, donc la matriarche un peu alcoolique de la famille. Un peu. Ouais. Et elle, c'est un peu rigolo, parce qu'elle détestait les films d'horreur, mais elle a accepté le rôle parce qu'elle trouvait Romero adorable. Ah. Voilà. Et visiblement, elle a pas mal amené sa personnalité au personnage de la tante. Elle l'a rendu un peu plus zinzin qu'elle ne l'était dans le scénario d'origine, ce qui a moyennement plu à King, visiblement. D'accord. Dans le chapitre 2, La mort solitaire de Jordi Veril, bah, le tant bien son nom, hein, y a qu'un acteur, ouais. Pour ainsi dire. Et quel acteur ? Eh oui. C'est Stephen King dans une performance à Oscar. Hein. Voilà. J'adore quand il fait des gueules où il louche et tout. Ah oui, non mais il a l'air totalement débile, ça. Il le fait bien, oui. Ouais. Dans le troisième segment, un truc pour se marrer, donc oui, c'est vrai qu'on va résumer les segments originaux, donc la fête des pères, c'est une famille qui se réunit pour fêter la mort du patriarche que tout le monde détestait et qui a été tué par sa fille qui en pouvait plus de lui, sauf que là, il revient, il sort de la tombe pour avoir son gâteau de fête des pères, et il se met à tuer tout le monde. Voilà. Et donc, un truc pour se marrer, c'est un mari jaloux qui se venge de sa femme et de son amant en les enterrant dans une plage alors que la marée monte, sauf que les deux noyés vont venir pour se venger. Et le mari jaloux est joué par Leslie Nielsen. Qu'on n'attendait absolument pas dans ce genre de rôle. Bah, en fait, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas du tout dans ce genre de rôle. Oui. Parce qu'effectivement, Leslie Nielsen, on l'associe à la série des Y a-t-il un flic dans l'avion et Y a-t-il et compagnie, donc des trucs plutôt humoristiques. Mais en fait, c'était pas tellement surprenant à l'époque parce qu'à l'époque, il n'était pas classé comme acteur si comique que ça. Oui, il était pas encore. Il avait joué dans beaucoup de trucs de séries SF et western, mais sérieux. Et il avait joué dans des films d'horreur type La Créature des Ténèbres. Donc bah à l'époque, le voir dans Creepshow, je pense que ça passait normalement. Il venait de faire le premier Y a-t-il un pilote dans l'avion. Donc sa carrière comique n'était pas encore lancée. Mm. C'est maintenant qu'effectivement ça étonne totalement. Et il a joué dans un film de Stanley Tong, il a joué dans Mr. Magoo, voilà, que je n'ai pas vu. Harry, l'amant, est joué par Ted Danson, qui est un acteur télévision assez régulier, mais qui émerge la même année que Creepshow pour une série qui s'appelle Cheers, dans laquelle il a le rôle principal. Voilà, c'est une sitcom sur un bar qui apparemment a eu un certain succès. Et régulièrement, enfin récemment, il a joué dans des séries un peu prestigieuses, dans Bored to Death, Fargo et The Good Place. Il joue un des personnages principaux de The Good Place, non ? Le patron, en fait, ouais. Plus ou moins. Et son amante, Gaylen Ross, avait déjà joué un des rôles principaux dans Zombie, en fait. Elle joue la femme principale du groupe. Mais sinon, elle a surtout réalisé des documentaires, dont un truc qui s'appelle Le Juif qui négocia avec les nazis. Voilà. D'accord. Le segment 4, c'est La Caisse. Avec dans le rôle de Mike, donc le mec qui va tuer sa... Non, Mike, c'est le gardien, c'est l'homme de ménage. C'est Don Kiefer, qui a une grosse filmo dans des seconds rôles de série. pareil pour celui qui joue le professeur Stanley, qui est Fritz Weaver, et celui qui joue Charlie, le jeune étudiant, qui est Robert Harper. Al Holbrook joue le professeur Northrup, donc celui qui va tuer sa femme. Lui, il est surtout actif au théâtre et à la télé. Et il a le record du plus vieil acteur nommé aux Oscars pour sa performance dans Into the Wild. D'accord. Donc meilleur Oscar de second rôle. Il avait quel âge ? Je crois qu'il avait 80 balais, un truc comme ça. D'accord. Et il a joué quand même dans quelques films importants, puisqu'il est dans Les Hommes du Président, Magnum Force et The Fog. Il joue le prêtre dans The Fog. Ah, bah oui, d'accord. Tout comme Adrienne Barbeau, qui joue sa femme, et qui est une actrice régulière et épouse pendant un temps de Carpenter. Donc elle est dans The Fog, dans Assaut et dans Meurtre au 43e étage, dans lequel elle a le rôle principal. Que je n'ai pas vu. Et il est très bien. D'accord. Et elle fait une voix dans The Thing. Voilà, mais sinon, le plus gros de sa carrière s'est fait à la télé. Et enfin, dans le dernier chapitre, on a dans le rôle principal E.G. Marshall, qui est un acteur, pareil, de second rôle, mais avec des films comme 12 hommes en colère ou Tora, Tora, Tora, quand même, dans sa filmo, et une carrière à Broadway, et on le reverra, nous, dans les Tommyknockers. Et White qui joue, enfin c'est White, on le voit assez peu, c'est l'homme d'entretien qui apparaît un peu. Ouais. Et qui a joué régulièrement pour Romero dans Zombie, Knight Rider, Incident de parcours, La part des ténèbres, mais dans pas grand chose d'autre. D'accord. Le tournage se fait entre le 21 juillet et le 20 novembre 81, et l'épisode qui pose le plus problème, c'est le dernier, Ça grouille de partout, qui raconte donc une invasion de cafards chez un homme qui est très obsédé par l'hygiène. En fait, il a failli être supprimé pour des raisons budgétaires, mais il y avait un des producteurs, Salah Hassanein, qui en était fan, donc il voulait absolument le garder. Et c'est pour ça qu'ils ont réduit drastiquement le budget hors cafard, d'où le look totalement épuré de l'appartement. D'accord. Effectivement, il y a 50 000 cafards qui ont dû être amenés de l'île de la Trinité pardon, par Dave Brody et Ray Mendes, des entomologistes. Dégueulasse. Qui sont présents sur le tournage pour gérer les cafards, donc à base de somnifères et de souffles d'air chaud et froid pour les diriger. Voilà. Ce qui a causé des incidents. Il y a eu une évasion de cafards qui ont envahi les cuisines du tournage. Apparemment, Tom Savini avait la même réaction que toi, il détestait les bestioles. Bah écoute, je connais pas beaucoup de monde qui aime bien les cafards, mais... Ouais. Et bon, plus triste, c'était comme ça à l'époque, pour économiser, les cafards n'ont pas été renvoyés dans leur pays, ils ont été tués à la fin du tournage. Est-ce qu'il y a vraiment une association qui se rebellerait contre ça ? Oh bah des associations de protection des insectes, oui, il y en a, peut-être pas à l'époque, mais il y en a. Les cafards, c'est de la saloperie. Ouais. C'est quand même la pire saloperie. Quoi. C'est vrai que c'est dégueulasse. Est-ce que le cafard a un but ? Je crois que ça a un vrai but à un niveau, niveau écosystème. Je crois que c'est important le cafard. Ouais. D'accord, c'est pas comme les, c'est pas comme les moustiques. Même les moustiques, je crois qu'il y a des trucs en réalité. Mais, ça nourrit les oiseaux. Bah, je crois en plus. Hein, et du coup, c'est important. Mon but, c'est de me faire manger. Ça nourrit plusieurs bestiaux. Hein, ouais, mais comme beaucoup d'animaux dans la chaîne alimentaire. Oui. Et je crois que les cafards, c'est un truc de nettoyage. Comme les mouches, alors. Ouais. Je suis pas sûr, hein, je suis pas entomologiste, donc voilà. Mais je crois que c'est un truc comme ça, les cafards. Donc, c'est plutôt, comme les blattes, c'est plutôt important, mais c'est dégueu. Ah bah oui, ouais, t'as le droit que c'est dégueulasse, par contre. Mm. Putain, mais 50 000 ! Ouais. Putain, aujourd'hui, ça aurait été fait en numérique. Et ça aurait été tout aussi dégueulasse. Mm. Les scènes animées sont gérées par Rick Cattison, d'après des dessins de Kamen, qui avait déjà travaillé sur certains effets d'animation dans Evil Dead 2. C'est lui qui anime la main. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui ont vu Evil Dead 2, la main est essentielle, hein, et elle est géniale. Oui, oui. La dernière fois qu'on a vu une main aussi cool, c'était dans La main qui tue, des années plus tard. Et dans les cadres qui apparaissent à l'écran sont faits par Larry Fulton, et c'est des cadres qui sont faits à même la caméra, en fait. Ils sont rajoutés... Ah bon ? Voilà. Ah, carrément. Ouais. D'accord, j'aurais pensé que c'était des espèces de trucs transparents qu'ils auraient rajoutés sur la caméra pour les retirer après. Bah, je pense que c'est ça, c'est des trucs qu'ils rajoutent sur la caméra, mais dans l'objectif, c'est des trucs physiques, en fait. C'est pas rajouté après le tournage. D'accord, ah, c'est marrant, ça. Ouais. Et les effets spéciaux qui nécessitent des matte paintings, il y en a quand même quelques-uns, sont faits par Dave Stipes et Dave Garber. Je crois, il me semble qu'il y en a pas mal sur les décors de ville. Ou alors un moment dans la ferme, un moment quand dans Mauvaise Herbe, on voit... Tu vois le personnage du fermier et tu vois la ferme en grand, et je pense que c'est du painting. Oui, moment-là. Effectivement. Qu'on doit mentionner enfin, c'est un homme qui a deux postes totalement inconciliables à première vue, c'est John Harrison. Parce qu'en fait, il y a deux premiers assistants réels qui ont bossé sur le film et qui ont démissionné parce qu'ils n'aimaient pas le fait que Romero ait un côté, bon, on va dire un peu communiste dans sa gestion des rapports dans l'équipe de tournage, et donc il allait parler lui-même à l'équipe et il faisait lui-même une partie du boulot de l'assistant réel, et donc ils avaient le sentiment que leur autorité était bafouée. Ah d'accord, c'est ce genre de patron là. Ouais, donc, Romero, oui, il est plutôt cool apparemment. Non, non, mais les autres. Ah oui, les autres, oui. Et John Harrison, il a réalisé et scénarisé pas mal d'épisodes de séries anthologiques horrifiques, ainsi que la mini-série Dune de 2000, et il a juste scénarisé Les Enfants de Dune qui est venu après. Et donc c'est aussi un musicien, John Harrison, qui a aussi fait la BO du Jour des Morts Vivants par la suite, sur lequel il est également assistant réal d'ailleurs, et donc c'est lui qui fait la BO de Creepshow. D'accord. L'idée de base, en fait, c'était d'utiliser uniquement des morceaux issus de librairies de musique retouchées sur un synthé, donc un synthé appelé le Prophet 5, qui permet de faire des loops, etc. L'idée, c'était d'utiliser en fait des morceaux anciens pour créer un effet vieillot et fait maison à la musique, sauf qu'au moment de le faire, la synchronisation image-musique s'est avérée difficile, donc il y a à peu près les trois quarts de la BO qui sont composés par John Harrison directement. Et sur le CD de la BO, qui est alors l'édition récente, celle faite par La La Land récemment, il y a justement les pistes de John Harrison et les pistes de librairie de son, enfin de musique, qui sont bien séparées pour voir qu'est-ce qui vient d'où. Donc d'accord. C'est assez intéressant, et je trouve que c'est vraiment une chouette musique, bah, totalement ancrée dans son époque, mais très fun, avec bah, des bons vieux synthés 80s, avec des thèmes chouettes, des ambiances pour chaque épisode, enfin je la trouve vraiment top la BO. Je sais pas toi. Oui, oui. Mais c'est de la musique un peu typique que tu pourras retrouver chez du Romero au final. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu plus léger quand même. Oui, oui, oui. Parce que là, voilà. le synthé que tu peux retrouver dans Zombie est quand même beaucoup plus agressif. Oui, bah forcément, vu que c'est moins comique Zombie. Le film va prendre pas mal de retard au tournage, donc il y a plusieurs monteurs qui vont travailler dessus un peu en rush, où chacun s'occupe d'un segment, même Romero il en a fait, enfin je crois qu'il y a 4 monteurs de cité au final hein, sur le film, donc ça a été une aventure visiblement. Il y a un premier montage qui est présenté à Cannes, qui dure 130 minutes, voilà. Toujours des trucs improbables à Cannes quand même. Entre deux films des frères Dardenne, voilà, un truc comme ça. Et par la suite, le film sera réduit de 10 minutes pour sa sortie ciné. Et là, il y a une rumeur qui dit que c'est la Warner qui aurait demandé à ce qu'il soit raccourci pour faire une séance de plus par jour. Mais Romero dit que c'est de lui que ça vient parce qu'il voulait rendre tout ça plus dynamique, donc dur à savoir. Le film sort au final aux États-Unis le 10 novembre 82 et rapporte 21 millions sur le sol américain, en dépassant Rambo à la première place au moment de sa sortie. En France, il fait 160 000 entrées à sa sortie en juin 1983. C'est Laurent Melki qui fait l'affiche française, et Laurent Melki, c'est plutôt un gros auteur d'affiche en France. Il est plutôt bien accueilli par la critique qui loue le style visuel et l'humour, même s'il y en a certaines qui vont dire que c'est un peu longué et que tous les segments ne se valent pas. Ouais, mais ça, comme dans tous les films, voilà. Et actuellement, il a 3,1 étoiles sur Allociné, ce qui le place 12e à égalité avec Quicksilver Alloué et le téléfilm Carrie, et 74% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 10e entre La Tempête du Siècle et Christine. Et il va contribuer à relancer un peu les films à sketch horrifiques et les séries d'anthologie, parce qu'on aura le droit à Tales from the Dark Side, Body Bags et d'autres films Creepshow, et bon, c'est une série Creepshow mais qui est plus récente, par la suite. Bah, et deux séries Creepshow. Oui. Il y en a une plus ancienne. Et oui, effectivement, oui, il y en a une ancienne aussi. Et il a été adapté en comics par Bernie Wrightson, donc un autre gros nom du comics. Je te laisse en parler. Bernie Wrightson, il a quand même une chouette carrière, lui. Alors que pourtant, il commence pas du tout dans le comics, puisqu'il commence en tant qu'illustrateur, oui, mais en tant qu'illustrateur au Baltimore Sun, donc un journal d'information de la ville de Baltimore, comme son nom l'indique. Et en fait, il se fera connaître dans le monde du comics, parce qu'un jour, il écrira comme ça. Il était fan, quand plus jeune, justement, de tout ce qui était comics horrifique, et notamment ce que publiait DC Comics. Mmh. Et un jour, comme ça, il en fait un, comme ça, dans son coin, à destination d'une publication en fanzine. Publication en fanzine qui va tomber sur les mains d'un des employés de chez DC Comics, qui va gentiment l'appeler pour lui proposer du taf. Et c'est le genre de taf qui se refuse pas quand t'es illustrateur. Forcément, oui. Donc chez DC Comics, bah, il va participer à la relancée du personnage de Swamp Thing, donc la créature du marais. Mm-hmm. Ça va être une longue série, puisque c'est une longue série qui aura compté une quinzaine de numéros, il me semble. Lui, il aura dessiné les 10 premiers, ce qui est quand même déjà pas mal. Une série qui est scénarisée par Len Wein, si je ne trompe pas sur la prononciation. Si c'est le cas, tant pis pour lui. C'est très bien. Et son style colle parfaitement, parce que bah, il a un style... Toi, tu as vu son style sur le comics. Il a un style très gothique, très photoréaliste, qui colle parfaitement avec une ambiance horrifique, et ce qui colle parfaitement avec le personnage de Swamp Thing, parce que Swamp Thing, à la base, c'est du comics un petit peu horrifique, fantastico-horrifique. Et suite à ça, c'est carrément du Batman, qu'on va lui proposer de scénariser. Ouais. Il va scénariser... Il va dessiner. Il va dessiner une mini-série qui s'appelle Batman The Cult, qui sera écrite par Jim Starlin. Jim Starlin, c'est un nom qui est très connu dans le monde du comic book aussi, parce que c'est lui qui a écrit Le Gant de l'Infini. Quand même un gros morceau de l'histoire de Marvel. Batman The Cult, c'est la première fois, j'en parle un peu parce que c'est un récit de Batman qui est extraordinaire, c'est la première fois que Batman est mis à genoux de manière mentale. Parce que ça va être la première apparition du Yacre Blackfire, qui est un mec qui sait manier les mots et qui, avec la puissance de ses mots, arrive à te faire un lavage de cerveau incroyable, et il va réussir à faire un lavage de cerveau à Batman et à le faire sombrer dans la folie, tout simplement. Chose qui quand même est assez rare chez le personnage. Oui. C'est pas tous les jours que tu vois Batman sombrer dans la folie. Donc c'est une mini-série en 4 épisodes, vraiment qui se tient en un seul volume. Ça c'est quelque chose qu'il faudra que je te fasse lire un jour, parce que c'est vraiment très très bien. Et voilà, il a scénarisé aussi pas mal de séries qui ont été éditées chez Warren, qui est un petit éditeur qui a relancé du coup la mode de ce que faisait DC Comics, mm-hmm. c'est-à-dire relancer des magazines horrifiques et fantastiques, notamment avec les magazines Creepy et Eerie. Donc Creepy qui, lui, est un magazine plus orienté vraiment vers l'horreur, alors que Eerie est plutôt des récits fantastiques, horrifiques, fantasy. Et Merdy Whiteon a travaillé chez les deux. Il a fait autant du Eerie que du Creepy. Et après, il a fait divers trucs, vraiment des gros gros gros projets, dont l'illustration d'une ressortie du Frankenstein de Mary Shelley. C'était pour le... je ne sais plus combien d'anniversaire du roman. Le roman est ressorti aux États-Unis, et donc chez nous aussi en France, dans une belle édition. Et en fait, Wrighton a participé à l'édition parce qu'il a fait des illustrations. D'accord. Pour le roman. Il a fait une dizaine d'illustrations, donc qui accompagnent le roman de Mary Shelley. Des illustrations qui sont de toute beauté. Et ça, c'est un projet que je n'ai pas lu de lui, mais qui vraiment me tente totalement. Il va falloir que je le chope parce que c'est édité chez nous. Frankenstein, le monstre est vivant, qui en fait est une suite au Frankenstein de Mary Shelley. D'accord, en comics. En comics, cette fois-ci. Là, cette fois-ci, sur ça, c'est pas lui qui est scénariste, c'est Steve Nils qui est le scénariste. Ça a été un projet que malheureusement, Wrighton n'a pas pu mener à bout, parce qu'il est mort à 68 ans d'un cancer. Pendant qu'il était en train de dessiner le tout dernier épisode de la série, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas aller au bout. Donc il a demandé en fait à une connaissance à lui, à un autre auteur de comics, Kelly Jones, qui a un style plutôt proche de lui, et il lui a carrément en fait demandé de terminer l'épisode pour lui, parce qu'il savait qu'il sentait qu'il pourrait pas y arriver. Effectivement, il est décédé avant la fin du travail. Donc Kelly Jones, lui, a ancré les planches que Wrighton n'a pas eu le temps d'ancrer lui-même, et il a dessiné quelques planches qui n'étaient pas encore achevées. D'accord, ah oui, mais c'est vraiment... il est allé quand même quasiment jusqu'au bout. Oui. C'est un tout petit complément qu'il a dû faire. C'est vraiment un petit complément, ouais. Ouais. J'imagine quand même la pression que ça a dû être pour Kelly Jones, quand t'as un gros auteur comme ça qui vient te voir et qui te demande de terminer en fait son œuvre sur son lit de mort. Ça doit être quelque chose, quoi. pourrait le mettre. Émotionnellement, et même, ça doit te faire une estime de toi qui, quand même, tu te dis, putain, c'est un gros auteur qui vient me chercher alors qu'il sait qu'il va y passer. Je pense qu'il a dû, vivre des remises en question, il a dû se remettre en question, Kelly Jones, il a dû vivre des jours assez incroyables, à mon avis. Le pauvre. Et en fait, chez nous, en France, on a de la chance, parce qu'en France, le comics, même si ça se vend pas des masses, on a la chance que ce soit bien publié, et la majorité des travaux de Wrighton sont publiés chez nous. The Cult, bah, c'est publié chez Urban Comics, forcément c'est du Batman. Pareil pour la créature des marais. Le Frankenstein, là, que je viens de te parler, la suite de Frankenstein Comics est éditée par Soleil. Mm-hmm. Et il y a un petit éditeur qui s'appelle Delirium Comics, donc qui est spécialisé dans la bande dessinée américaine indépendante, enfin américaine et anglaise indépendante, a republié en fait quasiment l'intégralité des Eri et des Creepy, et qui a carrément consacré un tome entier à tous les Creepy et Eri que a scénarisé et dessiné Bernie Wrighton. Donc l'intégralité quasiment de son travail est disponible en France. Alors j'espère quand même que Delirium t'offre une bière à chaque comics acheté. Hein. Les bonnes, la Delirium. La bonne Delirium. Ouais. Donc, immense auteur, Bernie Wrighton. Parce qu'en plus, il n'a pas que travaillé sur du comics, comme on l'a dit, il a travaillé dans du cinéma sur Creepshow, mais il a quand même participé au storyboard du film Ghostbusters. Mmh. Si t'avais pas l'info. Non, je l'avais pas, celle-là. Et du coup... Oui, effectivement, du coup, c'est pas n'importe quoi. Et du coup, c'est marrant aussi de parler de Kelly Jones, donc celui qui a terminé son travail sur Frankenstein, le monstre est vivant, parce que ça permet de boucler la boucle. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, ça, est-ce que c'est un rapport avec le Comics Code? Alors non, c'est un rapport avec Creepshow, parce que Kelly Jones a travaillé sur une illustration d'un des segments de Creepshow 2. D'accord. Donc quand on parlera de Creepshow 2, on reparlera de Kelly Jones. D'accord. Parce que Marvel, à l'époque, lui avait demandé d'adapter l'un des segments, c'est-à-dire le segment appelé Rado. Oui. Et donc Kelly Jones a fait une adaptation d'une douzaine de pages qui malheureusement n'a pas été publiée, mais... Son travail est disponible sur Internet. Il me semble même que le club Stephen King l'a publié dans un article. Donc voilà, ça permet de boucler la boucle, puisque Kelly Jones, on en reparlera très probablement lorsqu'on parlera de Creepshow 2. Et de toute façon, on en parlera aussi quand on parlera de la série Creepshow, puisqu'il a aussi participé à des illustrations de la nouvelle série Creepshow. Comme quoi, le monde est petit. Mmh. Et bah, pour le comics Creepshow... Il est plutôt cool, on en reparlera un peu plus en détail en même temps que le film. Mais... Visuellement, c'est vraiment propre. Ouais. C'est très fidèle au film, par contre. Oui. C'est vraiment... c'est limite du... du coup, pas du case par case, parce que le comic s'adapte le film, et non pas le contraire. c'est plan par plan. En sachant que, du coup, le comic adapte le film, hein. Il adapte pas les nouvelles. Oui, il reprend vraiment le film. Voilà. Quel abruti tu fais ! Tu as peur de ton ombre. Tu veux que je te dise? T'es un vrai loqueteux de basse-cour. Avec tes yeux de mouton, ton air con, ta bande de vicelards, t'es vraiment une merde. Tu vaux rien en politique. Pas un clou pour gagner du fric. T'es pas foutu d'en imposer à qui que ce soit. Et t'es archi nul dans un pieu. Ça fait combien de mois que t'as pas bandé, hein? Depuis quand j'ai une chiffre molle dans mon plumard? Alors laisse-moi passer, Henri, ou je te coupe les couilles et je t'en fais une paire de boucles d'oreilles. Et si jamais tu lèves la main, c'est... Voilà. Ils lui donnent aussi de taper les pilis. Et donc, on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse la main. Alors, Creepshow, bah, comme l'ont dit beaucoup de critiques, forcément, c'est illégal, mais comme tout film à segments. Du coup, je pense qu'on va faire comme avec les nouvelles, on va les aborder segment par segment. Ouais. Ça sera plus logique. Parce que de toute façon, les seuls points qui vont revenir, c'est la direction d'acteur, elle est bonne sur tous les épisodes. La musique, elle est bonne sur tous les épisodes, et la réalisation, elle est bonne sur tous les épisodes. Oui. Le seul point qui va différencier à chaque fois, ça va être le scénario. Et la photo aussi est cool. Et la photo est cool aussi. Les seuls points étant du coup le scénario, et donc du coup, ce qui va différencier, c'est le scénario, et donc le rythme de chaque épisode aussi. On va du coup aborder ça segment par segment. Bah déjà, celui de la fête des pères, Ouais, on peut mentionner vite fait l'intro, faire un trop conclusion en même temps peut-être. C'est une mise en place logique pour introduire le concept de segment. Ouais. C'est le gamin qui lit le comics, le père qui oh mon Dieu, tu lis de la bande dessinée, c'est de la merde. Bon, on voit le père qui représente totalement. Pour le coup, lui, je pense que c'est vraiment les deux qui se défoulent sur Famille de France. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment c'est la critique de la convention de censure, en fait, tout simplement, et de toutes ces conneries-là. Parce qu'il est ultra violent, le père, dans son vocabulaire. Clairement, c'est-à-dire même la mère, elle comprend pas, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi, c'est qu'une BD. Mm. Et c'est vrai, c'est qu'une BD, calme-toi. Vraiment. J'aime beaucoup la dénonciation de l'hypocrisie avec le père qui cache des trucs porno dans son armoire, mais par contre son fils, il peut pas lire un truc d'horreur comique. Voilà, c'est ça. Et genre, il lui reproche alors que, mais c'est juste que je les ai vus parce que tu m'as dit d'aller chercher des boutons de manchette, je crois, une connerie comme ça un jour, et donc je suis tombé dessus, parce que tu les caches pas très bien. Mais voilà, l'introduction est rigolote et elle amène bien du coup au concept de on va voir un film segment, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est les adaptations de ce que le gamin lisait. Ouais. Tout simplement. Et à la fin, on voit le squelette du coup de Creepshow qui tape à la fenêtre. Comment tu vas, petit ? Tu dis, le petit va passer un sale quart d'heure. Ah, le petit ayant pris sa vengeance sur le père grâce à une poupée voodoo dont la pub était dans le Creepshow. Ouais. À la toute fin, ouais. On voit ça. Donc, Fête des Pères, c'est le premier segment. Moi, je trouve que c'est le segment le plus faible au final. C'est une réunion de famille qui se déteste. En fait, avec le père qui revient pour se venger en mode zombie du coup, c'est rigolo qu'il réclame son gâteau de fête des pères qu'il a pas eu au final parce qu'il s'est fait tuer avant. Donc ça c'est le petit aspect rigolo. Mais sinon je trouve que ça vole pas bien loin. Bon, il est relativement simple. Après je trouve que visuellement c'est un des plus beaux. Je trouve vraiment les scènes dans le cimetière de nuit très belles niveau photographie. Ouais, ça c'est vrai. C'est là que le film pose ses ambiances, en fait, qu'il montre que finalement le réalisme de l'éclairage et compagnie, ça n'a aucune importance, c'est pas le but. Justement, ça devient un aspect BD. C'est une BD pulp. C'est des comics. Moi, je l'aime bien, c'est pas celui-là que j'aurais mis en plus faible, tu vois. J'ai pas dit que c'est mauvais, genre. Oui, mais pour moi, il y en a un qui est un peu plus faible, on y viendra après. D'accord. J'aime bien le personnage de la tante Bédélia, totalement taré. Puis le plan final avec l'espèce de gâteau. Étrange, il marche franchement bien. Avec les deux seuls survivants. Oui. Et j'ai eu mon gâteau. Dont on se doute qu'ils vont pas rester survivants très longtemps. Tout de même, voilà, c'est ça. Donc c'est un bon épisode, mais c'est peut-être celui moi que j'apprécie le moins, personnellement. Ensuite, on a Mauvaise Herbe. Ouais. Du coup, que j'aime bien, parce que les mimiques de King, parce que King totalement en roue libre, mais vraiment... Ah, il en fait des tonnes. Oh, il cabotine, mais à donf, mais c'est extraordinaire, quoi. Enfin, il fait des têtes de bonnet, mais c'est génial. Et le doublage français souligne bien le côté redneck aussi. Ah, du coup, j'ai pas écouté en doublage français. C'est, comme je l'avais déjà vu en VO, je l'ai regardé en VF. Cette fois-ci, la VF est vraiment bien. Et, d'accord. Sur celui-là, elle est particulièrement drôle. L'herbe. J'aime beaucoup, en fait, comment est faite l'herbe. Parce que l'herbe... Dans la nouvelle, elle est décrite comme de l'herbe, tout simplement. Ouais, il y a quand même la précision qu'elle n'a pas la même forme que l'herbe normale. Oui, elle est quand même plus haute, elle se tortille un peu plus. Mais là, tu vois que c'est bizarre. C'est-à-dire que même la couleur, rien ne va. La couleur, la manière dont elle pousse, parce que des fois elle pousse à l'envers, il y a vraiment rien qui va, quoi. Et j'aime beaucoup, en fait, le design de l'herbe. Et même le design, en fait, au final de The King, quand elle est recouverte d'herbe... au début et à la fin, quoi. À la fin, c'est le bonhomme, c'est Télémon. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment bien fait, le King. Enfin, les maquillages et les costumes de King sont vraiment bien faits. Et il y a tous les passages où il s'imagine les scènes qu'il va vivre. Je trouve ça très, très drôle, ouais. Donc, quand il va au collège pour vendre la météore, que là, du coup, il réclame 200 dollars. Alors que dans la... comme on l'a prévu, il est beaucoup plus... Ambitieux, on va ambitieux, dire ça comme ça. C'est le mot que je cherchais, que la nouvelle. Il passe de 25 à 200 dollars, quand même. Ouais, et puis tu vois bien la mise en scène, l'image qui se fait de ces lieux-là. C'est totalement débile. Et puis lui, il arrive avec son petit costume, là. Son petit costume tout beau, alors qu'il traîne sa météore dans un vieux sac, dans un vieux seau. Dans un seau, dans un seau rouillé. Et puis après, quand il casse la météore en deux, là, c'est je vous en donnerai que 2 cents. Genre ça joue quoi. Alors que bah, elle est juste cassée en deux gros, c'est quand même, ça vient quand même de l'espace quoi. Et puis après, pareil, il fait la scène avec le médecin. Oui. Qui va lui couper. Qui me semble est joué par le même acteur. Oui, c'est le même acteur. C'est le même acteur. Ouais. Qui du coup, qui veut lui couper le doigt. Ah, ça va piquer un peu hein. C'est complètement con. C'est complètement farfelu, mais c'est très drôle. Ce qui justifie qu'effectivement, il n'appelle à aucun moment de l'aide alors qu'il est en train de se transformer. Mais voilà, c'est ça. De manière horrible au fur et à mesure. Alors que dans la nouvelle, ils disent qu'il ne veut pas appeler parce que c'est un remplaçant, c'est pas son médecin actuel et en vacances. Bon, après, dans la nouvelle, il a l'air bien aussi. Il ne veut pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est l'endroit où on ressort que mort. Mais voilà. Et j'aime bien parce que le personnage se décrit comme intelligent. Enfin, dans la nouvelle, en tout cas, il se décrit comme malin. Oui. En fait, non, il est totalement con. Il y a aussi qui est dans le téléfilm et qui est repris de... enfin, dans le film, pardon, et qui est repris dans le comics. Il regarde des gros programmes de droite à la télévision, des gros trucs religieux ou fachos. Tu sens bien le fin fond des États-Unis. Ah oui. J'aime bien comment se termine le segment. Oui. Genre, on nous annonce « Ah, une forte pluie, les agriculteurs vont être contents, ça va faire pousser l'herbe !» Oui, alors qu'on voit que toi, déjà l'herbe qui est en train de remplir peu à peu toute la propriété de genre d'Ivérie. Et du coup, tu t'en doutes, ouais, mais s'il pleut fort, vous n'allez pas trop aimer, en fait, parce que l'herbe, elle arrive, là. Et vers quelle ville elle va dans le film, évidemment? Ah, j'ai pas relevé les panneaux. T'as pas vu le panneau directionnel? Chez Derry? Castle Rock. Castle Rock. C'était pas loin. C'était l'une de l'autre, de toute façon. Ouais. Évidemment, première ville qui prend tout dans la gueule, c'est Castle Rock. Ah oui, bah donc là, on va pas tarder à arriver. Mm. Alors, on va dans la merde. On attend. Donc voilà, c'est un segment... c'est pas mon préféré, encore une fois. Mm. Mais tu passes un bon moment. Ouais. Devant. Vraiment. C'est le plus nettement totalement comique, oui, celui-là. Oui, clairement. Il y a la scène où son père apparaît dans le miroir de la salle de bain. Quand il va prendre un bain, là. Quand il va prendre un bain. Mais si tu prends un bain, l'herbe va pousser, imbécile. C'est ce qu'elle attend, ne fais pas ça. Donc ouais, c'est effectivement celui où je pense qu'il y a plusieurs matte painting dans les fonds de la ferme, dans celui-là, je pense. Je pense aussi, oui. Bah, c'est pour réduire le budget, quoi. Ouais. Après, ça rend extrêmement bien. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage que ça se fasse moins. C'est une technique qui donnait un style. Hein. Ouais. C'est vrai que des fois, ça fait un peu vieux con, mais à des décors numériques, je préférerais des beaux matte painting. Bah oui, clairement. Fois, ouais. Je pense souvent, parce que c'est un film où il y en avait beaucoup, mais c'est un film qui a été décrié par beaucoup de critiques, c'est l'adaptation en film de Dick Tracy, où il y en avait énormément, il y avait beaucoup de décors qui étaient uniquement peints, et ça rendait mais super bien. Quoi. Et moi, c'est un film que j'aime bien, je sais que c'est un film qui... J'en ai un souvenir pas fifou, mais souvent décrié. Agréable. Mais j'aime bien en fait le côté pulp, vraiment à fond comics de Dick Tracy, le film. Ouais. Avec donc tout cet aspect peinture et les costumes totalement improbables. Genre Al Pacino, il est méconnaissable. Ouais. Et tous les personnages, ils ont des gueules incroyables quoi dedans. Voilà, j'aime bien le film Dick Tracy pour ça. Effectivement, il faut que je le revoie peut-être. Troisième segment, ouais. The Crate. Ah, c'est non. The Crate, c'est, je crois que c'est un truc pour se marrer. Oui, c'est un truc pour se marrer. C'est dans le comics que c'est dans l'autre ordre, ouais, je ne sais pas pourquoi, pour le coup. Non plus. Pour se marrer, c'est pas... C'était sympa. Moi, c'est peut-être celui-là que j'aime le moins, tu vois. Ouais, c'est celui-là. Bah vas-y, du coup, je te laisse la parole. Donc, un truc pour se marrer... En fait, je le trouve un peu longué. Ouais, je suis d'accord. Pour ceux qui racontent, ça aurait gagné à durer 10 minutes de moins facilement. Ouais, c'est ça. Notamment tout le début aurait peut-être pu être un peu enlevé. Mais le début qui n'est pas dans le comics du coup. Ouais. Quand il va le chercher à son hôtel et tout et tout. Ouais, c'est vu rapidement, mais très rapidement en flashback dans le comics, ouais. Mais c'est vite fait. Effectivement, le plan est plutôt machiavélique, donc ça marche bien avec le côté retiens ta respiration, etc. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est vraiment le changement de la réalisation. Il commence avec une réalisation plus réaliste, plus terre-à-terre que les deux premiers. Et à partir du moment où il s'oriente nettement vers le fantastique, on revient à la réalisation plus chargée en effets, en lumière bizarre, ouais. Etc. Il y a quand même des belles images, genre tous les plans qui intègrent l'aquarium dans la maison du mari. Ouais. Ceux-là, je les trouve vraiment beaux. La fin, les deux espèces de zombies sont très bien faits. Quand on leur tire dessus, les effets sont cool. J'aime beaucoup leur arrivée. Leur arrivée qui est... Alors, je pense renvoie vers Fogg. Parce que Fogg est plus vieux. Il me semble que Fogg, c'est les années 70. Oui, je crois, oui. Il me semble que c'est 78, quelque chose comme ça. Et en fait, les zombies, on les voit arriver, mais d'abord, on voit une brume arriver. Ouais. Tu sais, on voit une espèce de brume arriver, et puis eux, on comprend qu'ils sont dans la brume. Moi, dans ma tête, ça m'a fait penser à Fogg. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça renverrait pas à Fogg? Est-ce que ça serait pas une petite référence comme ça? C'est possible. C'est possible. L'inspiration. Même les passages d'une caméra à l'autre sont sûrs, parce qu'on voit pas mal de trucs via des caméras de vidéosurveillance ou des caméras branchées à des caméscopes pour suivre l'agonie des deux, enfin de l'amant et de la femme. Ouais. Ça, le passage d'une caméra à l'autre est plutôt bien géré. Mais oui, ça doit être une mort horrible. Ah oui, d'être enterré comme ça dans ça le sable. Ça doit durer une éternité en plus. Ça doit être horrible. Le temps que la marée monte suffisamment pour te tuer. Ouais. En plus, il y a cette scène du coup où à un moment on le voit totalement sous l'eau. Ouais. Tu sais, il a une aura rouge autour de lui, c'est juste avant qu'ils disent qu'il va se venger. Ouais, le plan est joli. Le plan est joli, ouais. Mais oui, comme tu le dis, les deux zombies sont ultra bien faits. Et puis pour le coup, c'est... En fait, c'est des zombies sans être des zombies, parce qu'à un moment, on leur fout des balles dans la tête, ils sont toujours là. Oui. Ça leur fait rien. C'est vraiment des créatures, ils s'en foutent, tu pourras pas les tuer. Et d'ailleurs, la femme le dit, tu ne pourras plus nous tuer, on est déjà morts. Oui. Elle l'avertit, au moins. Elle est polie. Mais ils sont très très bien faits. Puis pour le coup, le titre me fait rire. Oui. Un peu pour se marrer. Et voilà. Et puis sa dernière réplique, je suis capable de retenir ma respiration très longtemps. Pour le coup, il joue bien, hein, Leslie Nielsen. Ouais, clairement. Ouais. Ah, mais le casting est bon. C'était totalement taré. Le casting est bon, hein, sur l'ensemble du. Du métrage. Il y a une belle baraque dans le film. Ah oui, ça. Baraque en bord de mer, là. Mais il y a un moment, je me suis posé une question sur est-ce qu'il l'a déjà fait ou pas à d'autres personnes, ça. Parce qu'à un moment, il est devant sa collection de cassettes. Ouais. Et c'est que les mêmes, et il regarde, il a l'air de regarder comme s'il avait envie de se repasser un ancien meurtre. On peut supposer qu'il l'a déjà fait, hein. C'est quand même très... Parce qu'en plus, il est très bon niveau installation et préparation, donc il a le matos. Voilà, on est d'accord, hein. Pour moi, c'est pas qu'une impression, quoi. Je me suis dit, mais il l'a déjà fait ou pas? Ouais, ça laisse largement supposer ça, je trouve, ouais. Mais ouais, c'est un peu trop long. C'est pas mauvais, parce que... En fait, c'est pas mauvais parce que les acteurs sont bons, parce que l'idée est bonne, mais c'est trop long pour ce que ça raconte. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis la femme de l'homme que vous avez assassiné cet après-midi. Madame Castelmeyer, comment allez-vous? J'espère qu'ils vous enverront rôtir en enfer, vieux salaud. Ce n'était pas encore assez de le réduire à rien, de le mettre à genoux. Il vous fallait sa mort en plus. Il est rentré à la maison et ses yeux étaient vides et hagards. Je lui ai demandé ce qui se passait. Pourquoi il avait ce regard et pourquoi il était dans un état pareil? Le seul mot qu'il a pu prononcer était votre nom. Des minutes plus tard, j'ai entendu le bruit du coup de feu. Oui, Georges Sandro m'a dit que Norman était mort brutalement. Combien d'hommes avez-vous détruit? Combien d'hommes avez-vous tué, vieux sadique? Uniquement les imbéciles. Uniquement ceux qui m'ont donné un poignard en me tendant leur gorge. Uniquement les... Passez-moi l'expression. Les victimes. Chère madame, excusez-moi, mais j'ai tellement, tellement de cafards. Nous reprendrons cette charmante conversation ultérieurement. J'espère que vous mourrez. À propos. Je vous souhaite le pire des cancers. Madame Castelmeyer. La lèpre. Allez rôtir en enfer. Madame Krasslameyer. Voulez-vous me faire savoir qui vous a transmis mon numéro? J'aimerais le virer. Il était dans le carnet d'adresse de mon mari, espèce d'ordure. Oui, lui, c'est difficile de le virer. Quatrième segment. Quatrième, donc la caisse. La caisse, qui est pour moi le meilleur segment. Je pense toi aussi. Ouais. J'aime beaucoup le dernier. Ouais. Mais celui-là est top. Celui-là est top parce qu'il y a un vrai développement de personnage. Ouais, bah c'est le plus long des 5 segments. Ouais, puis il mérite de toute façon. Ouais. Il y a un vrai développement de personnage. Les personnages sont bien décrits, parce que déjà il y a une scène qui n'y a pas dans la nouvelle, c'est tout le gala au début, le gala au buffet. Où effectivement elle est odieuse. Ouais, on apprend à connaître les trois personnages centraux du récit. Ouais. C'est plus la femme. Je pense qu'en fait, cette scène-là qui n'est pas dans la nouvelle te permet vraiment de te rendre compte à quel point la femme est odieuse. C'est pour ça qu'à mon avis elle est dans le film et c'est pour ça que le numéro a voulu faire. Parce que sinon, Peut-être que le fait que le mari veuille la tuer, dans la nouvelle, ça paraît un petit peu brutal. Je sais pas trop, tu comprends qu'elle est odieuse, mais pourquoi tirer jusque-là? Ouais, tandis que là, tu vois bien voilà. Qu'elle est odieuse, qu'elle... Alors, encore une fois, c'est pas une raison. Oui, non, c'est pas une raison, mais... voilà, elle l'humilie constamment. D'ailleurs, il a plusieurs fois des fantasmes de la tuer au cours du récit avant de passer à l'action. J'aime bien le premier, quoi. Il lui met une balle dans la tête et tout le monde... Oh. Oui, ça, c'est très drôle. Bien visé, bien joué. Ça, c'est très marrant. Mm. L'ambiance est bonne. Ouais. La créature est très très bien faite. Oui, parce qu'elle fait un peu à la fois ridicule et peur. Ouais. C'est un mélange... En fait, c'est bizarre, c'est un mélange entre un Critters... Est-ce que tu vois les Critters? Oui. C'est un mélange entre un Critters et une espèce de Bigfoot. Mm. Tu sais, c'est tout poilu, ouais. Là, mais au niveau de gueule, ça a des dents acérées comme un Critters, des yeux tout jaunes comme un Critters. Et ça ressemble un peu... Moi, j'aurais dit un Muppet qui est passé sous un 36 tonnes. Mais... Et ça ressemble un peu à un singe, quoi. Ça ressemble un petit peu à un singe préhistorique. C'est ça, ouais. Donc la créature est vraiment flippante, quoi. Ça fonctionne bien. Et puis, Romero laisse le temps à la tension de s'installer pendant toute l'ouverture de la caisse. Oui, c'est vrai qu'elle dure bien longtemps, l'ouverture de la caisse. Il retire les clous un par un, et après, il faut encore soulever. Voilà. Et puis, entre chaque étape, t'as, on vire un petit peu de poussière, donc on te fait comprendre que c'est là depuis longtemps. Mm. On te fait comprendre que ça pue à l'intérieur, il y a des espèces de... Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Et puis, j'aime bien l'appât du gain. L'autre, il ouvre le truc, ça brille, on dirait des rubis. Parce qu'il glisse sa main dans la caisse. Bah, c'est compréhensible, d'une certaine façon, dans un premier temps. Mais... Oui, parce qu'à un moment, il y a cette supposition où il dit « C'est bizarre, j'ai l'impression que ça a bougé à l'intérieur, mais ça peut pas être vivant, c'est là depuis 1843. » Oui, c'est ça. Là, pour le coup, on peut pas en vouloir au personnage de pas avoir le réflexe de se méfier, tu vois. Voilà. Ça ne peut être que mort. Ben non, ce n'est pas mort. Donc voilà. Le segment est ultra trash. Ouais, c'est vraiment le plus sanglant de tous. C'est le plus gore de tous. Ouais. Ça finit... Il a dû s'éclater dessus. Mmh. C'est passé, on l'a précisé, c'est dans l'ordre chronologique des événements, alors que dans la nouvelle, c'est dans le désordre. Mais c'est pas plus mal, parce que comme ça, ça permet de pas se perdre. C'est comme ça. Le visionnage est fluide. Non, c'est vraiment un très très bon segment. Puis ça fait plus monter la tension aussi, sur les moments où justement ils ouvrent la caisse. Mmh. On se doute qu'il va y avoir quelque chose d'horrible, on est dans Creepshow. Mais, voilà. Mais on a le temps de voir venir. Mais ouais, c'est un très très bon segment. Et le moment où l'autre élu sacrifie sa femme, là... Mmh. Ah, dis-lui de t'appeler Billy, comme tout le monde. Ouais, t'as l'ajout du fait qu'il a peur que ça rate pendant un instant, et tu sais, il se dit, mais mince, on m'a menti avant que la créature se réveille. Et puis au moment où elle se réveille, bah, t'as ces effets comics, avec la lumière rouge qui arrive à fond, et t'as des petits effets qui entourent la tête de chaque personnage. Ça rend super bien. Oui, effectivement, c'est l'actrice qui joue la femme, pour le coup, joue vraiment de manière odieuse. Ouais, elle joue vraiment insupportable. Ouais, ouais. Avec son appelez-moi Billy, c'est vrai que c'est... Ouais. Donc voilà, un très très bon segment, pour moi le meilleur du film, et tant mieux que ça soit le plus long. Et c'est même limite, en fait, c'est même limite, pour le coup, une nouvelle qui aurait pu être adaptée sur un long métrage à lui tout seul. Hein. Oui, tellement la nouvelle est bonne, fonctionne, et pourrait gagner à être plus développée. Mm. Mais du coup, l'adaptation est bonne. Et le dernier segment, comment il s'appelle le dernier segment ? Ça vous grouille dessus. Ça vous grouille dessus. Que moi, j'aime beaucoup. Le côté, alors du coup, tu m'as appris que le côté aseptisé de l'appartement vient d'un manque de budget. Mais je trouve que ça colle tellement avec le personnage. Bah oui, parce que vu qu'il est obsédé par la propreté, qu'il ait un truc entièrement blanc avec quasiment rien, c'est très cohérent. Ouais. Voilà, parce que du coup, la saleté se verrait direct. Ouais. Donc ça colle tellement avec le personnage qu'à aucun moment je me suis dit que c'était à cause du budget. Mmh. Donc ouais, ça rend bien. Bah, je pense que Romero, il avait l'habitude de devoir faire croire que des trucs dus au budget étaient des décisions artistiques. Et oui, je pense aussi, oui. Mmh. Bah, de toute c'est de là, je pense, qu'est née l'idée de Diaries of the Dead. Oui. C'était l'envie de faire un autre film de zombies, manque de budget, bah, on va faire un full footage. Parce oui, que c'est ce qui coûte le moins cher. Déjà que le genre horrifique, c'est pas celui qui coûte le plus cher, mais alors le fan footage, j'imagine. Ça même le fait de garder son dernier, enfin son troisième, c'est Day of the Dead, quasiment en huis clos. Je pense que quand tu fais un film avec l'armée et des zombies, c'est pas ton premier réflexe. Oui, non, clairement pas. Sauf quand t'as pas de budget. Ouais. Voilà. Moi, donc c'est un segment que j'aime bien. Je pense que c'est un segment qui fonctionne, qui forcément fonctionne plus quand tout ce qui est insectes, et surtout les insectes dégueulasses comme des cafards, t'aimes pas ça. Oui. Genre, si vraiment ça te fait rien, je pense que c'est un seul monde, faut un bleu au final. Oui. Même s'il y a quand même tout le... Parce qu'il y a une métaphore derrière avec le héros qui considère que les humains, les autres humains, sont des cafards, au final. C'est... Ça, c'est très malin. Et en fait, il communique beaucoup par téléphone et par interphone, et on apprend qu'il est responsable du suicide de d'un de ses employés. Enfin, ex-employé. Il y a la femme de l'employé qui l'appelle plusieurs fois pour lui dire « J'espère que vous mourrez », et lui, il est cynique et froid. Alors, il y a un moment qui m'a fait éclater de rire, c'est quand il demande à la femme « Qui c'est qui vous a donné mon numéro que je le vire ?»« C'est mon mari !» Ah, ça va être dur de le virer. C'était dans mon carnet de mon mari, en ça, c'est magnifique. Ça va être dur de le virer. La réplique est très drôle. Ouais. Il y a l'homme d'entretien qui, en plus, est afro-américain. Ouais, donc là, non seulement c'est un cafard, mais en plus, il se prend un certain nombre de remarques bien racistes. Ouais. Ah, mais le personnage, tout est fait pour que le personnage soit détestable. Ouais. Et donc, en fait, l'invasion des cafards, c'est un peu comme une vengeance... vengeance du karma, limite. Ah oui, mérite. Ah, c'est limite même une vengeance sociétale, quoi. Oui, c'est ça. Le peuple qui se rebelle contre son roi et qui y met fin, quoi. Mm. Tout simplement. Mais effectivement, je pense que le truc, c'est que pas la peur forcément, mais le dégoût face qu'il y ait plein de cafards grouillants, je pense que beaucoup de gens vont le partager, y compris peut-être des gens qui travaillent sur ce genre d'animaux. C'est quand on a 50 000 qui grouillent de partout, ouais, c'est forcément, t'as un truc. Ça m'a fait le même effet qu'un film qu'on a vu l'année dernière ensemble, La Nuée. Oui. Sauf que là, c'était des sauterelles. Ouais. Mais du coup, c'est pareil, parce que les sauterelles, c'est dégueulasse aussi. Quand tu les vois, c'est un peu dégueulasse, quoi. Et quand on voit une toute seule, ça va, mais quand on voit des centaines, tu vois... Ouais, c'est ça, et puis tu sais, comme les fourmis ou tous ces animaux qui fonctionnent en très très gros groupes, en colonie, tu sais que ça peut faire des dégâts monumentaux, en fait, ça peut te rentrer dedans, ce que font les cafards, d'ailleurs, à la fin, avec le corps. L'effet est ultra bien fait. Alors, tu vois que c'est un pantin. Ça se voit, oui. Ça se voit, ça saute aux yeux, mais ça rend vraiment bien quand même, quoi, on s'en fout. Ouais, c'est vraiment. Ça rend très très bien. Et le dernier plan du segment, donc c'est la chambre, mais tu sais, t'as une porte vitrée, ouais. Et donc t'as les cafards, il y en a tellement, mais c'est à 50 cm du sol. C'est la moitié de la chambre. Et ça fait comme si c'était un liquide. Mmh. C'est vraiment. Ça rend ultra bien à l'image, quoi. C'est vraiment très très joli, le dernier plan est très joli. Ouais, et vraiment, malgré qu'il y a des cafards, c'est joli parce que ça rend bien. Ouais, et puis la gestion de l'arrivée justement des cafards, où au début t'en as un par-ci par-là que tu dois repérer, et après t'en as de plus en plus dans le plan, c'est niveau montée de tension, il est bien aussi celui-là. Ouais, vraiment le segment est vraiment maîtrisé. Mm. Est-ce que t'as vu la différence avec l'adaptation en comics? Parce que dans l'adaptation en comics, dès le début tu vois qu'il y a plein de cafards, mais le personnage ne les remarque jamais, en fait. Oui. C'est ça qui est marrant, il y en a partout. Ouais, effectivement. Et, mais à chaque fois ils sont dans un angle que le personnage ne regarde pas. Mm. Donc, et lui, en fait, se rend compte qu'il y a plein de cafards qu'à la toute fin, au moment où... alors que dans le segment de l'adaptation, enfin dans le film, le personnage s'est déjà rendu compte qu'il y en a plein. Ouais, il en écrase de partout. Alors que dans le comic, c'est vraiment à la toute fin qu'il se rend compte qu'il y en a plein. Mm. Mais en fait, ils sont là depuis le début. D'ailleurs, il appelle un exterminateur à un moment, mais qui est en vacances, donc il pourra pas venir avant. Et du coup, il demande à son assistant, enfin, à l'homme à tout faire, de s'en occuper finalement. Ouais. Mais sauf que l'autre, à cause de la coupure de courant, il est coincé dans l'ascenseur. D'ailleurs, ne se laisse pas faire, hein. Il se fout bien de la gueule du héros aussi pendant tout le segment. Ouais, ouais. Et du coup, il est enfermé dans l'ascenseur parce qu'il y a une coupure de courant, et l'autre lui dit qu'il va le virer. Il est pour rien, il est enfermé dans l'ascenseur, c'est pas de sa faute. Ah oui, le héros est vraiment odieux, donc lui, on n'a aucun scrupule à le voir mourir. Hein. Et du coup, l'homme à tout faire qui est afro-américain lui parle comme un esclave. Oui, monsieur. Oui, c'est ça, il joue le rôle, quoi. Ouais. Il joue le rôle à donf, mais en se foutant de sa gueule, en fait. Mm. Et oui, comme tu le dis, ça fait partie de ces personnages, donc on est content de les voir crever comme des merdes. Ouais. Ouais, c'est un segment assez court pour conclure, mais bien efficace. Ouais, il dure quoi? Il a duré une vingtaine de minutes, celui-là? Ouais, je suis même pas sûr qu'il atteigne les 20 minutes. Ouais, peut-être un peu moins. Ouais. Et donc, après, on revient avec la conclusion du film avec le gamin et la poupée vaudou. On voit qu'il a découpé, en fait on comprend qu'il a découpé le bon pour acheter la poupée vaudou dans le magazine Creepshow. parce que donc les deux éboueurs, il y en a un des deux qui récupère le magazine, ce qui lui dit « Ah, mon gamin aime bien ça, moi aussi », on voit que les deux, en fait, ils aiment bien la... ils aiment bien les comics. Et donc ils voient, bah, celui-là, on peut pas l'acheter là, pour Vaudou, il a déjà été commandé. Et après tu vois que c'est le gamin qui il est en train de tuer son père, quoi. Avec une tête de psychopathe, mais bon, c'est Joey. Oui, donc... c'est Joey, donc ça, forcément. Voilà. Mais donc un bon film. Dans l'ensemble, un bon film. Hein. Chacun, il n'y a qu'un seul segment en fait qu'on trouve vraiment pas terrible. Ouais. C'est différent pour chacun de nous. Et mais encore, c'est pas seul. Nul. Et encore, ça, voilà. Ça, voilà, ça se regarde. C'est pas nul. C'est bah après voilà réservé à un public qui aime bien tout ce genre de trucs vibes comiques. Un bon film à segment. Un bon film à segment avec un seul réalisateur, parce que oui. Y a aussi beaucoup de films à segment où c'est un segment, un réalisateur. Oui, c'est vrai que c'est plutôt ça qui se fait d'habitude. En général, il y a quelques exceptions. Bah, Creedfall 2 a aussi un seul réal. Ouais. Et puis bah, dans quelques années, Romero en fera un autre, avec Dario Argento. Oui, Deux yeux maléfiques. Deux yeux bon, il n'y a que deux segments dans celui-là. Ah, mais c'est quand même un film assez bon. Oui. Et toi, je sais que t'aimes pas trop, Deux yeux maléfiques. Si, il est bien, mais je préfère le segment. D'Argento. On est d'accord. Deux yeux moi aussi. C'est l'adaptation du chat noir. Ouais, avec ouais. Le chat et l'autre qui sont dans la folie. Des effets qui sont ultra beaux, qui sont ultra maîtrisés dedans. C'est un truc récurrent, l'adaptation du chat noir dans le Giallo. Peut-être que je ne l'ai jamais vu. Bah, elle est bien, elle est courte, c'est une excellente nouvelle. Puis elle est aussi adaptée bah, dans un film qui s'appelle Le Chat Noir. Ouais. Et ça revient dans Ton vice est une chambre close, dont Moi seul ai la clé aussi. D'accord. Qui en est une adaptation très libre. Donc voilà, il refera du film à segment. Bah, du coup, quelque chose, c'est quelle année? C'est peut-être 82. 82. Je crois que c'est pas beaucoup plus tard. Hein, 8 ans plus tard. Ouais. C'est 90, c'est sûr. D'accord, oui, c'est. Donc 8 ans plus tard. Ah, étonnant, c'est la période où Argento il a commencé à baisser pourtant. Bah, comme quoi, c'est peut-être le fait de travailler avec un bon qui lui a redonné du peps. Même s'il paraît que son tout dernier tient un peu plus la route que les précédents. Ouais. Voilà. À voir. Et donc, oui, Deux yeux maléfiques, c'est aussi un film qu'on peut conseiller du coup, parce que pour le coup, on n'en parlera pas. Ouais. Dans ce podcast. Donc, on peut faire une petite parenthèse. Regardez Deux yeux maléfiques, c'est plutôt pas mal aussi avec. Du coup, réalisé par Romero et Argento. Mm. Un réalisateur qu'on ne parlera jamais dans ce podcast, malheureusement. Peut-être. Pour l'instant, on ne parlera jamais. Pour l'instant. Toujours vivant, toujours debout. Toujours debout. Alors, par contre, c'est qu'une rumeur pour le moment, mais il y a un réalisateur dont on reparle beaucoup en ce moment et qui visiblement aurait des projets d'adaptation de King. Non, un autre réalisateur qui était passé un peu sous le radar pendant des années et là, on en reparle énormément. Qui? Je vais essayer de trouver, on va faire un petit jeu. Qui est spécialisé dans l'horreur ou qui est... Plutôt, oui. Carpenter? Non. On n'en parle pas trop, hélas, en ce moment. Bah oui, malheureusement, c'est pour ça que je me suis dit, mais j'ai loupé l'info ou... Je dis pas qu'on en reparle pour des raisons que je trouve bonnes. Ah! Non, vas-y, dis-moi. Sam Raimi. Ah! Oui, d'accord, oui, effectivement, on en reparle un peu beaucoup. Voilà. Et il y a une rumeur, mais je sais pas si ça se fera, comme quoi il voudrait travailler sur une adaptation de King, et bah là je souhaite que ça se fasse. Il a pas dit laquelle. Non. Enfin, je ne crois pas en tout cas. D'accord. On verra bien. Hein. Peut-être que King va écrire un comics pour Marvel, du coup. Et pour le coup, ce sera le nouveau MCU. Hein. Le comics N, c'est un comics édité par Marvel. Hein. Ah oui, ils vont pas intégrer M dans le MCU, quand même. Peut-être Rémi va adapter le comics N. En rajoutant 150 caméos. Alors N en long métrage, ça serait quand même... Et Spider-Man qui vient faire des vannes. L'horreur. Non, bah sur Creepshow, je pense qu'on a fait le tour. Oh bah oui, on a fait le tour. On va passer à un petit comparatif de scène alors. Eh ben allons-y. C'est parti. Nous allons vous lire la traduction proposée par la revue des mondes imaginaires Bifrost, le numéro 80, qui a été publié en octobre 2015. C'est une traduction que l'on doit à Pierre-Paul Durastanti, de la publication originale dans Cavalier de mai 1976. Donc je vais vous lire sur le Bifrost 80, nous sommes à la page 18, Et donc nous allons nous attarder sur la fin de la nouvelle, juste avant le suicide de notre ami Stephen King. Enfin, Jordi. Dans le champ, les vrilles s'élevèrent, sinueuses, comme 1000 serpents sortis de 1000 paniers de fakir, et désignèrent, en tremblant, la forme dressée là. Sur cette forme, les vrilles désignèrent leurs semblables en retour. Un instant, elle retrouva un semblant d'apparence humaine et évoqua un individu pris de chair de poule. Ses processus mentaux étouffés par la marée de verdure qui s'étendait désormais jusqu'à la surface de son cerveau, Jordi comprit qu'une sorte de télépathie entrait en action. « La nourriture est-elle bonne ?»« Oui, très bonne, très riche. »« Est-il la seule nourriture ?»« Non, il y en a beaucoup, ses pensées le disent. »« La nourriture a-t-elle un nom ?»« Deux. Parfois elle s'appelle nourriture Jordi et parfois nourriture Clive Miles. » Nourriture Jordi, nourriture Clive Miles, très bonne, très riche. Ses pensées disent qu'il veut le boom. Peut-il faire cela ? Bah, aucune idée, cela concerne Jordi. Très bon, très riche, laissons-le faire ce qu'il veut. La silhouette, aussi patote qu'un pantin au bout de fil effiloché, se détourna pour regagner la maison en traînant les pieds. Dans la lumière de la cuisine, Jordi était un monstre. Un monstre au vrai sens du terme, presque aussi ridicule que terrifiant. Il ressemblait à une haie de troème ambulante. Une haie qui pleurait. Elle n'avait plus de larmes à verser. La verdure absorbant sans pitié l'humidité que l'organisme déclinant parvenait à produire. Mais elle pleurait à sa façon, en retirant le fusil de chasse Remington calibre 36 de ses crochets au-dessus de la porte de la remise. La silhouette pointa le canon vers ce qui avait été la tête d'un homme. Elle ne pouvait appuyer sur la gâchette par ses propres moyens, mais les vrilles l'aidèrent. Voulant peut-être savoir si le boom rendrait la nourriture Jordi plus goûteuse. Elles se drapèrent sur de la gâchette, se resserrèrent jusqu'à ce que le chien retombe, un simple déclic, le mauvais sort s'acharnait. Elle parvint à sortir des cartouches d'un des tiroirs du bureau dans le salon. Les vrilles s'enroulèrent autour de l'une d'elles, la soulevèrent, la lâchèrent dans la chambre de l'arme et refermèrent la culasse. De nouveau, elles aidèrent à presser la gâchette. Le coup de feu partit. La dernière pensée de Jordi Veril, Dieu merci, enfin un coup de chance. La mauvaise herbe atteignit la nationale dès l'aube et se mit à pousser autour du panneau qui l'indiquait, Clive Miles, 3 km. Les tiges rondes se frottaient en susurrant sous l'effet de la brise matinale, leurs vrilles aspiraient avec avidité la rosée abondante. Nourriture Jordi, une belle planète, humide, à point, nourriture Clive Miles. La mauvaise herbe orienta sa croissance vers le village. Voilà. Et maintenant, la même scène dans le film. Et maintenant, voici nos informations d'épreuve qui vous sont offertes par la maison de la conduite, le meilleur fournisseur de votre vie. Mon Dieu, je vous en supplie, faites que j'ai de la chance une seule fois dans ma vie. Je vous en supplie. Juste une toute petite fois. On nous annonce aujourd'hui une longue période de pluie bienfaisante que nos herbages attendent avec tant d'impatience. Les craintes de voir nos récoltes menacées se dissipent et les températures resteront moyennes pour la saison, comprises entre 16 et 18 degrés. C'était notre météorologie. Voilà, donc une adaptation globalement fidèle. Oui. Le film en fait supprime une chose, c'est les pensées des herbes. Ouais, c'est ça. Et il en rajoute une, c'est la télévision ou la radio allumée à la fin qui annonce la météo. Et ça annonce que ça se dirige vers Castle Rock. Oui, voilà, aussi ça rajoute Castle Rock aussi. Mais sinon, voilà, c'est. Alors, vous pouvez pas voir le visuel de l'herbe qui est effectivement très chouette. Mais il y a tout de même la musique qui est cool à ce moment-là. Ouais. C'est un peu un truc dont on peut profiter. Takeaway, le design de Jordi, c'est vraiment, il est recouvert de d'herbe, quoi. C'est vraiment, c'est une masse d'herbe. On sent qu'il a du mal à se déplacer. Il n'y a plus rien d'humain. Ouais. Que vraiment l'herbe contrôle tout, l'exploite totalement. Ouais, on distingue même plus la tête, des bras. Ouais, c'est ça. On a une vague forme humanoïde, mais c'est flou. C'est ça. Et j'aime beaucoup, voilà, la conclusion de dans la nouvelle. Ah, enfin un coup de chance. Oui. Ça, c'est vraiment drôle, quoi. Et donc oui, la scène est bien adaptée. Mmh. Mais de toute façon, le film adapte vraiment ultra fidèlement les nouvelles. Mais je trouve ça quand même intelligent d'avoir pensé à supprimer les dialogues entre l'herbe, qui auraient à mon avis été difficiles à faire passer. Ouais, on n'aurait pas trop compris. Et d'avoir trouvé un autre truc d'humour noir pour remplacer avec ce bulletin météo finalement. Qui t'annonce de la pluie, comme du coup la verdure va revenir. C'est vraiment le segment le plus nettement léger parce qu'il supprime même l'idée que l'herbe provoque une souffrance. Ouais. Donc il est entièrement comique, celui-là, entièrement gagasque. Et limite, il aurait gagné en fait à être en troisième place dans le film. Pour amener une respiration, tu peux dire. Pour amener une respiration, ouais. Juste avant The Crate, qui lui est très violent. Ouais, effectivement, oui, peut-être. Ça aurait pu gagner un petit peu, quoi. Parce que juste après la fête des pères, la fête des pères est un peu violent, mais juste après Herbe, tu tapes l'autre là qui tue les gens sur la plage, plus la caisse, là tu fais oula. Effectivement, oui. Ça aurait pu être une bouffée d'air frais. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Comme une sensation de marcher sur l'herbe humide du matin. Ah, c'est agréable l'herbe du vert, on prend la nature, on meurt, voilà. Voilà. Des choses qui arrivent tous les jours. C'est ça. Bon, je pense qu'on va pouvoir classer tout ça. Ah bah oui, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, le classement. Comme d'habitude, nous allons commencer par le classement des livres. Je vais m'en charger et mon camarade Issam s'occupera du classement des films. Alors, dans les 5 premières places pour les livres, nous avons Cimetière, Ça, Charlie, La Part des Ténèbres et Dead Zone. Et dans les 5 dernières places pour les livres toujours, enfin livres ou nouvelles, on se comprend, nous avons Le Dentier Claqueur, La Pastorale, L'Année du Loup-Garou, Dr Sleep et Grand Chauffeur. Du coup, je propose de classer Mauvaise Herbe en premier. Ouais. Mauvaise Herbe. Alors comme dit... C'est une bonne nouvelle, ça se lit bien, mais bon, c'est pas extraordinaire parce que forcément, développement de personnages, tout ça, c'est pas non plus. Ouais, oui, on est d'accord. Mais. Quand même, en prenant tout ça, ça ne peut aller que bas, mais du coup, pour le mauvais sens du terme, parce que ça manque de développement et qu'il n'y a pas grand chose de fond, quoi. Après, ça reste quand même plus agréable à lire que Les Enfants du Maïs. Moi, je trouve. Oh, elle est bien, Les Enfants du Maïs, la nouvelle. Ah, elle est un peu longue, je trouve. Ah, pour le coup, je la trouve pas trop longue, tu vois, la nouvelle Les Enfants du Maïs. Moi, je l'aurais mise juste au-dessus. Hein. D'accord. Ça va m'aller. Hein. Moi, je l'aurais mise juste en dessous. Ah. Mais, mais ça me va, juste au-dessus. Parce que bon ménage, pour moi, c'est à partir de là où il commence à y avoir du développement. Oui. En termes de nouvelles, où il y a du vrai développement de personnages et tout. Ouais, juste au-dessus des Enfants du Maïs. Ouais, ça me va. Et juste au-dessus des Enfants du Maïs. Du coup, Mauvaise Herbe devient le nouveau 28e. C'est ça. Et The Crate, alors là, je te cache pas qu'on va remonter, quand même. Oui, oui, on est d'accord que c'est plus haut. The Crate, pour moi... Alors, ça va au-dessus du fléau, ça va sans dire. Mm-hmm. Ça va au-dessus de La Peau sur les Os. Ah oui, carrément. Ah ouais, mais moi, pour moi, ça irait entre 1408 et La Peau sur les Os. Entre les deux. Moi, je l'aurais mise au-dessus du fléau. Juste au-dessus, entre Desintox Inc. Et le fléau. En fait, Desintox Inc., j'aime beaucoup le principe, mais ça manque de tension et de développement de personnages, je trouve. Oui. Après, la tension, c'est... pas tellement le but non plus de Desintox Inc. Je suis d'accord, mais je trouve que King maîtrise tellement l'attention que quand il y en a, je ne peux que saluer. J'aurais qu'autant au-dessus de désintoxing, voilà, hein, voilà. Ça me gêne pas. Au-dessus de la peau sur les os, ça m'ennuie un peu plus. Voilà, voilà, entre désintox et la peau. Ouais, ça me semble un bon compromis. Ouais. Donc du coup, il devient le nouveau 18ème. Ouais. Et bah, ça me va aussi. Et donc, nous allons passer au classement du film. Donc, dans le classement film qui, lui, contient 44 entrées pour le moment, nous avons aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter. Et aux 5 dernières places, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. C'est toujours étonnant de se rendre compte à quel point on en a vu de la merde. Ouais, ouais, parce qu'on en a cité que 5 là, hein. faut remonter plus haut pour avoir toutes les merdes. Moi je continue à dire que Trucks, Les Camions de l'Enfer est beaucoup trop bas. Hein. Je continue à dire qu'il y a quand même une scène avec une combinaison Asmat qui tue quelqu'un avec une... Ah, mais si tu veux, on met la scène beaucoup plus haut, mais le reste du film est nul. Je suis désolé. Donc, Creepshow. Bon, déjà, bah, comme d'hab, c'est un peu ce qui nous sert de référence, il va aller au-dessus de Cimetière. C'est la première référence que je prends pour les trucs vraiment bons. Ouais, le cimetière de Marie Lambert. Ouais, celui de Marie Lambert, ouais. Ouais, on est d'accord. Pour moi, il va aller au-dessus de Fenêtre secrète, jusque-là, c'est sûr. Ouais, mais après, c'est... C'est ensuite que ça se complique. Ouais. Je pense que j'ai quand même plus d'affection pour Creepshow que pour La Ligne Verte et Cœur perdu en Atlantide. C'est pas forcément une histoire de qualité intrinsèque des films, mais vraiment d'affection pure. Ouais, moi ça me va. Cœur perdu, c'était sûr, c'était avec La Ligne Verte où j'hésitais un peu. Moi, je le mettrais 9ème, donc entre La Part des Ténèbres, bah, de Romero aussi, ouais. Et La Ligne Verte. Ouais, moi ça me va. De Darabont. Au-dessus de Cœur perdu, j'avais pas de doute, hein, c'était au-dessus de La Ligne Verte. Qu'il soit en dessous de La Ligne Verte ou au-dessus, ça me va. D'accord, bon, bah, au-dessus alors. Donc il devient le nouveau 9ème. On a quand même deux Romero dans le top 10. Oui. Et qui s'enchaînent. Oui. Après, c'est pas impossible qu'ils en sortent, puisqu'ils sont tout de même plutôt vers le bas du top 10, oui. On va dire. Mais voilà. Par contre, on n'aura plus de Romero dans ce classement. Ah non, c'est fini. Là, on a fait les deux adaptations de Romero. Il est peut-être producteur sur Creepshow 2, mais voilà. Alors qu'il voulait en faire beaucoup plus. Eh oui, hélas. Bon, toujours est-il qu'on se retrouve dans 2 semaines pour parler de The Mist, de Frank Darabont, et donc de la nouvelle Brume, publiée dans le recueil éponyme. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @thegrédéville pour moi. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. Voilà. La communauté est réduite, mais sympa, donc n'hésitez pas à passer. Voilà. Vous pouvez aller regarder la chaîne Twitch de, bah, de Christopher et Gensuga. Bon, Gensuga qui ne participe pas au podcast, mais on peut le mentionner tout de même. Voilà. The Lost Tale. Ouais. The Lost Tales même, avec un S. Un tail. Alors, vous pouvez faire une pétition. Il y a un projet de Let's Play de Final Fantasy VII dont je veux absolument qu'il continue. Hein. Visiblement, il y a des blocages de censure, mais moi, j'y tiens. Non, non, mais moi, je veux bien, mais bon... Il faut être sûr que la chaîne ne soit pas supprimée. Effectivement. Non, sinon, il y a des jeux... Vous... Bah, depuis très longtemps, vous faites... comment Divinity 2. Divinity 2. Sinon, ça change régulièrement. Ouais. J'ai l'impression que Gensuga fait régulièrement du... GeoGuessr. Du GeoGuessr, ça, c'est sympa à voir. Lui, il fait souvent du GeoGuessr, des fois du jeu d'échecs aussi, avec son ami Wizdeck. Ouais. Normalement, il devrait être sur Nier Replicant, mais il l'a mis en pause, parce que Florian ne termine pas ses jeux, c'est un running gag. moi, actuellement, je suis en solo sur Nioh, et normalement, la semaine prochaine, je commence Trek to Yumi. D'accord. C'est le nouveau jeu... fait très japonais, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en noir et blanc. Ouais, c'est exactement ça. Il est en 2D celui-là ou... Il est en 2D. D'accord, parce qu'il avait l'air cool. Moi, je le commence, je pense, demain. Tu vois, pour le coup, il me tentait assez aussi, tu vois. Bon, bah en tout cas, plein de bonnes choses. Voilà. Nous, on se dit à dans 2 semaines, et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut. Stephen King aime les météorites, Stephen King aime les caisses, Stephen King a écrit Mauvaise Herbe, La Caisse et le scénario de Creepshow, et George Romero l'a réalisé. Il aime lâcher des caisses. Je la mettrai en fin de podcast, celle-là. Il ressemblait à une haie de Troem ambulante. Ou bonhomme, c'était l'aime. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir en 1967. Ouais, à l'époque.